Et salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce DLMAD détente. Et aujourd'hui, nous retrouvons Vincent. Salut. Et Florian. Et salut. Petit comité donc pour ce DLMAD détente. Et avant de commencer, eh bien comme d'hab, on va faire un petit tour par les dernières sorties de Causon Pixel. Alors en vidéo, nous avons Virginia et Bound, l'Empire des Signes. Cette vidéo est un résumé d'un article disponible sur le site dans lequel, en plus de questionner la maturité du jeu vidéo, on se pose la question de d'autres moyens de narration, et si on pouvait raconter sans aucun mot. C'est en effet le pari de Virginia et de Bound, et voyons, à travers ces deux jeux, ce que cela apporte. En autre vidéo, nous avons aussi Ubisoft versus Vivendi, 6 ans après. Que deviennent Ubisoft et Vivendi, 6 ans après le conflit qui les a opposés ? Souvenez-vous, Vincent Bolloré, grand Manitou de Vivendi, avait tenté de racheter l'entreprise de Yves Guillemot, Ubisoft. Dans cette vidéo, on analyse ce que devient Ubisoft après ce clash qui a bien failli lui coûter son, entre gros guillemets, son indépendance. Mais aussi, on tente de comprendre ce que veut Vincent Bolloré et dans quelle stratégie s'incluait le rachat d'Ubisoft. Et en écrit, en article, nous avons dans l'abîme de Bloodborne et de Mafia 3, première partie, c'est une analyse approfondie de Bloodborne, de ses symboles, de ses mécaniques de jeu, de ses thématiques, de son univers, de ses musiques et du lien qui les fait fonctionner ensemble. On passe en revue aussi la traduction du jeu qui induit malgré elle le joueur en erreur sur des pans de l'histoire du jeu. Bloodborne est passé au peigne fin. Et j'espère que vous prendrez plaisir à découvrir ce récit. Et bien maintenant, on va pouvoir passer à la première partie de ce DLMAD détente, avec la partie littérature. Et Flo, tu vas nous emmener au pays du death metal. Donc, je vais vous présenter l'œuvre, un comics, parce que je me suis mis à en lire là récemment. Et le comics, c'est Batman White Knight, qui est un comics assez récent de 2017, je crois, dans ces eaux-là. J'ai la version noir et blanc, donc n'est crédité que Sean Murphy au scénario et au dessin. Je ne peux pas vous dire qui c'est qui l'a colorié et qui l'a ancré pour la version couleur. Il y a les deux éditions, en tout cas qu'on a eu en France. Et je vais vous introduire cette œuvre par une petite citation. Pour vous la mettre dans le contexte, ça se situe durant un repas mondain avec toutes les grandes fortunes de Gotham. Et passe un extrait à la télévision qui dit que Batman est le pitbull des 1%. Son action a permis de protéger les affaires de la minorité riche et blanche habituelle. Donc Bruce Wayne s'exclame en disant « S'il vous plaît, arrêtez la télévision ». Et là, il y a un des invités qui répond. Mais il a raison concernant Batman. Je me suis fait des millions dans l'immobilier grâce à lui. Dans l'immobilier ? Lui pose la question, Bruce Wayne. Batman combat généralement le crime dans les quartiers pauvres, que la ville ensuite qualifie de zone de « bat impact », ce qui fait encore davantage chuter le prix de l'immobilier local. Ces zones reçoivent ensuite des subventions pour être rebâti, le truc, c'est d'acheter juste après qu'une zone soit déclarée, puis de vendre une fois que le contribuable a payé la facture. À Bruce Wayne de lui répondre, tu profites de la guerre contre le crime de Batman ? Tout le monde le fait, Bruce. Le crime à Gotham, c'est un bon cheval. Et là, Bruce Wayne lui met son poing dans la figure parce qu'il est outré par cette révélation. C'est un comics qui est très très intéressant. Le contexte général de l'histoire, c'est que le Joker a été guéri de sa folie grâce à un médicament qui n'est pas homologué, hein, c'est encore un peu à l'état expérimental. Donc il change d'identité, il s'appelle Jack Napier maintenant, et il décide de vouloir régler le souci de la criminalité à Gotham, et pour régler le souci, ben, il s'attaque notamment à Batman, en remettant en cause son action réelle et les conséquences de son action. Et pour faire ça, il va s'engager en politique, notamment, parce qu'il veut rejoindre la mairie. Et il pointe du doigt, donc ça c'est un aspect que je vous ai lu, il y en a d'autres, mais cet aspect est assez central, c'est que ce qui fait comprendre aux habitants de Gotham, c'est que certes, Batman combat le crime, arrive à arrêter, à nettoyer certaines zones de criminels et tout ça, mais avec le temps, le système libéral et capitaliste a réussi à intégrer Batman dans ce système-là. Le système arrive à faire de l'argent à partir des actions de Batman. Et donc, ça re-questionne, c'est un comics qui re-questionne à nouveau le rôle de Batman, comment il le fait, le véritable impact, est-ce que c'est juste ou non qu'il le fasse comme ça. Là, ce que dit le comics, c'est que finalement, certes, de manière chirurgicale, comme ça, il arrive à résoudre des situations, mais une des choses qu'il fait, c'est créer toujours plus d'inégalités. Enfin, il est un des mécanismes du capitalisme qui crée des inégalités et ça ne résout pas le problème de fond. Moi, ça me fait beaucoup penser à ce que tu dis à Batman Dark Knight Rises, où en voyant ce troisième film de Batman par Christopher Nolan, on comprend en fait dans le film que Bane prend tous les rejetés du système avec lui. Donc il les manipule, etc. Mais il prend en fait tous les SDF, les gens qui n'ont pas de... Enfin, tous les pauvres. Et à la fin, on se retrouve avec justement toutes ces personnes-là contre la police. Et en voyant cette scène de bagarre finale, ça faisait un petit peu... en fait, Batman, tu te bats contre... pour le statu quo. Bah ouais. Finalement, ces gens-là, tu ne vas pas les aider. Tu leur pètes la tronche et tu ne trouves pas de solution. Tu ne trouves pas de solution en fait pour ces personnes-là. Et c'est quelque chose aussi, ce côté ce côté remise en question de Batman qu'on pouvait voir aussi dans The Dark Knight avec le Joker, où Batman utilise la surveillance de masse pour arrêter le Joker. Oui. Alors dans le film, c'était de manière plus ou moins valorisante de ce que je me souviens. Mais en le regardant, on se disait, attendez, on justifie la surveillance de masse, là ? Donc moi, ce que tu dis, je trouve que ça s'inclut dans... Mais tout à fait. Alors, j'avais oublié de préciser, ce comics-là, il est hors continuité. Donc, il peut être lu... on peut rentrer dans l'univers de Batman à partir de cela. Ce que suppose le comic, c'est qu'il ne raconte pas, c'est que on comprend très bien que la situation actuelle est dure depuis très longtemps. Le Batman agit depuis très longtemps, il combat le crime depuis très longtemps. On ne revient pas sur ses origines, tout ça. Si jamais vous avez vu ne serait-ce qu'un film Batman, vous connaissez les origines et vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Mais oui, Florentin, tu touches juste, on est dans ce type d'histoire sur Batman. Viennent questionner un petit peu. Ce qui est génial, c'est que on a quasiment une relecture du mythe de Sisyphe, un peu, puisque il a beau combattre le crime, à un moment donné, Napier le dit, quand il dénonce ce qu'il appelle les gardiens, donc cette élite, ils disent, comme ils font du business sur les actions de Batman, ils ont tout intérêt à ce que régulièrement, il y ait des criminels ou des super criminels, je vous laisserai lire ce que ça implique, qui soit dans la nature pour causer des dégâts. Et donc Batman résout une situation, et au bout d'un moment, quand on n'arrive plus à faire de l'argent sur ça, on recrée des problèmes. Et en fait, c'est un combat sans cesse de la part de Batman. C'est juste que là où on avait un Sisyphe qui était puni par les dieux, là on a un Sisyphe qui est complètement broyé par le système capitaliste. Et bien entendu que l'allégorie par rapport à notre situation actuelle est facile à faire. Encore maintenant, ne serait-ce qu'avec la crise du Covid, on sait que y a de grandes fortunes qui se sont énormément enrichies grâce à l'argent public. Et c'est ce que, dans l'extrait que je vous ai lu, c'est ce qui se passe. Beaucoup de gens se sont enrichis à l'immobilier grâce à l'argent public. Et il y a d'autres thèmes. Ça, c'est un thème, mais il y en a d'autres par rapport à des thèmes plutôt de gauche qui sont abordés. Qui parlent beaucoup de l'Amérique, mais on peut faire des liens avec notre situation actuelle. Donc c'est assez génial. Après, là où j'ai un peu un reste sur ce comics-là, c'est qu'il y a aussi pas mal d'actions. Je soupçonne que c'était plus ou moins une directive de la part de l'éditeur de DC. Peut-être pas, hein, mais je soupçonne ça. Alors qu'en fait, on aurait pu avoir un comics uniquement centré sur le social. Et ça aurait permis surtout de peut-être plus développer les actions qu'arrive à mettre en place Napier pour combattre Batman. C'est vrai que là, dans le comics, autant le côté contestataire est assez bien développé, autant le côté solution qu'il met en place, c'est un peu rapide. De l'autre côté, ça laisse la place à des scènes d'action. C'est vrai que Sean Murphy aurait pu être beaucoup plus radical et avoir... Et là, je pense que le comics, en tout cas, de mon ressenti, aurait pris une importance plus grande. Non pas que les scènes d'action soient décevantes, mais j'aurais aimé le voir faire de la politique, convaincre les autres élus, convaincre la population... Et aller plus loin dans essayer de dénouer les rouages de la corruption, parce qu'on parle de la corruption de la police, de l'État, enfin voilà quoi, c'est tout un bordel. Et est-ce qu'on sait si Sean Murphy n'a écrit que du comics ? Alors, je ne me suis pas encore trop renseigné sur lui, mais il est plutôt actif hein, actuellement. Il a le trajet assez habituel de beaucoup d'auteurs de comics. Il passe par les Big Two, donc Marvel ou DC, et après il retourne faire des comics indépendants. Pour l'instant, comme je débute, c'est la seule œuvre que je lis de lui. Je ne sais pas ce qu'il a fait d'autre. Bon, je ne peux pas te le dire. Mais je pense, à mon avis, comme il est dessinateur avant tout, je pense qu'il a dû faire pas mal de comics. Ouais. Ok. Est-ce que tu as pu dire ce que tu avais à dire sur ce Batman Death Metal ? Non, c'est Batman White Knight. Death Metal, c'est notre série. Oui, c'est ta musique. En fait, quand il y a marqué Batman Death Metal, du coup, j'ai confondu. Oui, mais parce qu'il n'y a pas de tracks pour White Knight. Écoute, non. Après, il y a une suite, Curse of the White Knight, qui est encore plus axée sur l'action. Mais la partie... On continue le chemin intérieur de Batman après ce qui s'est passé dans White Knight. Bruce Wayne le dit lui-même, il m'a brisé, et on voit comment il arrive à continuer ou non, je vous laisserai découvrir ça, quelle place il va se donner par rapport à la société. Donc ça reste intéressant, la suite. C'est moins percutant que le premier, moins social, c'est un super comics, et c'est un énième comics qui tord le cou aux préjugés des comics qui sont un peu bas du front. Il y a quand même certaines œuvres, bon, il faut fouiller un peu, mais certaines œuvres qui font autre chose. Voilà, j'en ai fini. Ok, merci à toi. Eh bien, pour le prochain, on va aller loin, loin, loin, loin, très loin dans le futur. Cette partie-là, eh bien, je reviens sur Fondation. Voilà, la fin de la série Fondation avec... je vais sur les deux derniers tomes, mais je vais en parler comme un tout. Donc, Fondation Foudroyée, qui est l'avant-dernier, et Terre et Fondation, qui est le dernier. Alors, franchement, cette série de Isaac Asimov, cette série de livres par ce maître de la science-fiction... se termine en beauté. L'auteur a vraiment su conclure son récit. Il le conclut, mais vraiment avec un vrai talent, à tel point, en fait, quand vous lisez Terre et Fondation, au bout d'un moment, vous vous dites, mais il va le terminer comment ? Parce qu'il y a moyen de faire une quinzaine de bouquins, etc. Mais l'auteur sait s'arrêter au bon moment. Il y a quand même un mais, moi, qui m'a un petit peu déçu. C'est que, alors, ces deux livres, Fondation Foudroyée et Terre et Fondation, sont les plus gros de la série et ils ont de très grosses longueurs. Et de l'aveu d'Asimov, en fait, c'est son éditeur qui lui a demandé de rallonger son récit pour qu'il soit plus conséquent que les trois précédents tomes. Et c'est dommage, en fait, parce qu'on passe par des dialogues qui se répètent d'un chapitre à l'autre, voire d'un tome à l'autre, et des explications qui cassent le rythme de l'histoire et qui ne sont vraiment parfois pas nécessaires à l'histoire. Vraiment, il y a un moment, en fait, quand on se rend compte de ces longueurs-là, on peut se dire, bah attends, mais du coup, si j'avais sauté la vingtaine de pages, là, bah finalement, j'aurais été au même point. C'est des passages qui font vraiment du surplace dans l'histoire. Cependant, ces deux derniers livres, une fois ces longueurs passées, que je soupçonne vraiment être des rajouts pour rendre le livre plus gros et satisfaire l'éditeur, une fois ça passé, les livres ont vraiment des moments qui sont dignes des trois précédents, des situations désespérées, des choix à faire, et notamment le dernier choix dans Fondation Foudroyée qui, moi, m'a beaucoup fait penser à Mass Effect, où le personnage arrive devant un choix que personne au monde ou personne dans l'univers ne voudrait faire. Il est d'une difficulté inimaginable et pourtant, il doit être fait. Et du coup... Alors, je devais commencer par cette citation-là, mais je me suis laissé emporter par mon argumentaire. Mais voici ce qu'on pourrait mettre en citation au début. « Plus proche on est de la vérité, meilleur est le mensonge. Et la vérité elle-même, quand on peut en faire usage, est encore le meilleur des mensonges. » Et pour moi, cette citation-là réunit vraiment tout ce qu'il y a dans Fondation. La politique, parce qu'on parle pas mal de politique à travers plusieurs personnages, dont certains ont des hautes fonctions dans la Fondation, donc cette civilisation créée par des scientifiques. Et aussi, ça réunit ce que Fondation Foudroyée et Terre et Fondation arrivent à faire, c'est-à-dire à donner une profondeur, je n'ai que cet adjectif-là, cosmique à son œuvre, en liant le passé à des robots, je n'en dis pas plus, et à toutes sortes de questionnements sur l'histoire, le passé, les légendes et les inconnus de l'histoire au sens très large du terme, c'est-à-dire les inconnus du passé, présent et de l'avenir. Même si on a un personnage dans Fondation qui a créé un plan à suivre pour que la Fondation soit pérenne dans l'avenir, on a toujours une part d'inconnu et c'est ce que Asimov arrive à montrer. Et avec Fondation Foudroyée et Terre et Fondation, cette part d'inconnu s'épaissit soudainement et toute l'histoire de l'univers prend encore plus corps. Et ça renouvelle vraiment les romans, plus que dans les trois premiers, on était vraiment dans la chute de l'Empire Galactique. Alors si vous n'avez pas suivi le précédent DLMAD, la Fondation est une cité créée par des scientifiques à la suite d'un désaccord avec un Empire Galactique. Et cet Empire Galactique est en train de s'effondrer. Et pendant que l'on suit l'évolution de cette cité, qui s'appelle la Fondation, en arrière-plan, en fait, on est spectateur de la chute de l'Empire. Comme je l'avais dit lors d'un précédent DLMA des détentes, on a vraiment l'impression de vivre la chute de Rome, en fait, petit à petit, sur des siècles, sur des années, sur des siècles, etc., etc. Alors, j'en parle de manière générale, enfin, sans trop en dire, mais cette conclusion de la série Fondation est, malgré les longueurs, digne de ses prédécesseurs, et ça donne vraiment l'impression que l'histoire de l'humanité est toujours sur le fil du rasoir. Et je pense que c'est l'un des brios de cette histoire-là, surtout quand on arrive à cette conclusion-là, c'est que Asimov nous donne cette impression-là de l'humanité peut chavirer d'un côté ou de l'autre, ou dans un de ses chemins des possibles. Malgré toutes les forces politiques qui sont derrière, malgré le fait que l'on puisse créer des plans pour s'en sortir ou des plans pour manipuler telle ou telle personne, il y a toujours quelque chose qui peut faire basculer. Alors par contre, ceux qui ont regardé la série de Apple TV, Fondation, ont pu reconnaître le générique, puisque la musique vient de la série Fondation. Je ne l'ai pas regardé. J'ai simplement vu la critique de Durandal, mais de ce que j'ai entendu de ce que disait Durandal, romans et séries ont l'air quand même très différents. Ils ont l'air d'avoir rajouté beaucoup plus d'action dans la série. En même temps, une série américaine, généralement, j'ai l'impression qu'elle rajoute quand même beaucoup d'action. À chaque fois qu'il y a une adaptation, ils ne peuvent pas s'en empêcher. Ce qui fait qu'à mon avis, vous pouvez très bien découvrir les romans. Et vraiment, si vous êtes un amateur de la littérature de SF, ou pas, voire si vous êtes un néophyte, si c'est le bon terme, eh bien la série Fondation par Isaac Asimov, c'est une invitation grandiose dans le futur et dans l'histoire de cette société que l'on nomme Fondation. Je vous invite vraiment à la découvrir. Oui, pardon. Quand tu avais abordé le premier roman, tu nous expliquais que cet homme-là qui avait fondé, c'est la psychohistoire, c'est ça ? C'est ça, oui. Et qui avait largement anticipé l'effondrement de l'Empire. Et tu as expliqué que son rapport aux autres était compliqué. Il était plutôt mis à l'écart, on ne le croyait pas, et etc. Est-ce que ce point-là, du rapport des autres, des dirigeants et de la population, quand quelqu'un arrive et te dit « je sais que ça va s'effondrer », est-ce que ça continue à être développé ? Est-ce que c'est intéressant ou pas ? Alors, c'est beaucoup plus développé dans le premier tome, parce que c'est là où on expose tous les enjeux de la Fondation. Et en fait, dans les tomes suivants, Asimov utilise autre chose pour renouveler son histoire. Donc, ce qui fait qu'on ne fait pas de surplace et il n'étend pas inutilement, jusqu'aux deux derniers tomes, inutilement la thématique, enfin le sujet. Là, vraiment, dans les deux derniers tomes, c'est quelque chose, en fait, qui, seulement dans les trois premiers tomes, ont été, mais vraiment, à peine abordés. On nous parle d'une petite planète, mais vraiment quelque chose qui serait les origines de l'humanité, la Terre. Et dans les deux derniers tomes, un personnage va se poser la question, mais et si la Terre existait ? Parce que tout le monde a perdu la trace de son origine, de la Terre. Et on va finir par se réellement poser la question, un personnage, mais la Terre dans tout ça. Où est-elle ? Que devient-elle ? Existe-t-elle vraiment ? Et la phrase que j'ai lue tout à l'heure, elle résume aussi cette quête de la Terre. Et c'est ça aussi qui rend vachement intéressant l'histoire, c'est on a eu la politique et maintenant on a la quête d'un point dans l'univers et Asimov aborde ça de manière pas réaliste mais de manière plausible, c'est-à-dire la Terre en fait c'est une planète dans l'univers, enfin dans la galaxie. Mais une planète c'est quoi ? Elle fait partie d'un système solaire qui est au milieu de plein d'autres systèmes solaires, qui est au milieu de constellations, etc. etc. Et il faut la chercher là-dedans. Oui. Si, je dis bien si, elle existe, en plus d'archives, etc. Donc, c'est vraiment une... Moi, j'ai vraiment kiffé Fondation. Je pense que je les relirai dans l'avenir. Ces bouquins, bon, pour les deux derniers tomes, je passerai les longueurs, mais c'est vraiment des livres qui sont particuliers, avec un vrai suspense et un amour de l'ASF pas possible. Voilà, j'en ai terminé avec Fondation. Et ensuite, on va pouvoir passer à la partie série. Et Vincent, tu nous amènes au pays de Dexter. Ce générique, merci de parler de Dexter, Vincent. Franchement, je le kiffe. Mais Dorian, tu as vu Dexter d'ailleurs ? Je n'ai vu que les 5 premières saisons. D'accord. Et j'adore également ce générique. Ça fait partie de mes génériques préférés, toutes séries confondues. Autant pour la musique que pour les images qui l'accompagnent. Malheureusement, donc je vais vous parler de Dexter New Blood, la saison 9, hein, on va l'appeler comme ça, puisque c'est la suite de la saison 8. Ah non, saison 9, non, excuse-moi, je crois que j'ai vu jusqu'au moment où il part en bateau. C'est la saison 8 alors, ça ? Oui. Ouais, ok. Voilà. Et en fait, le générique de la saison 9, justement, j'étais curieux de voir ce qu'ils allaient faire. Est-ce qu'ils allaient reprendre le même ? Est-ce qu'ils allaient en faire un nouveau, etc. Bon, j'étais un petit peu déçu. C'est juste un carton avec le titre qui est taché de sang. Et à chaque épisode, le carton est recouvert d'un peu plus de sang. Exactement comme le générique de Invincible. Donc bon, c'était un petit peu dommage de constater ça en arrivant sur cette saison 9, mais la saison 9 a quand même quelques qualités. Alors avant, je vais vous parler un petit peu du contexte de la série Dexter. Ça fait partie des premières séries que j'ai vraiment suivies, puisque c'est une série qui est née en 2006, qui a eu sa première diffusion en 2006. C'est une série de la chaîne Showtime, et qui est une chaîne câblée américaine. Et en France, il me semble qu'elle a été diffusée dans un premier temps, si ce n'est exclusivement. Non, ça a dû être diffusé ailleurs, mais en tout cas dans un premier temps sur Canal+. Et il me semble, peut-être que voilà, vous pourrez me confirmer ou m'infirmer ça, que ça fait partie de ces séries qui ont, comment dire, vraiment transformé le paysage télévisuel, puisque, par exemple, dans les années 90, les séries à succès, c'était les X-Files, c'était les Charmed, c'était les Buffy, c'était Ally McBeal, Urgence, Friends. C'était des séries de qualité, certes, mais qui n'intéressaient pas forcément un public qui n'était pas déjà sensible à... aux fictions télévisuelles, en fait. Notamment, par exemple, X-Files avait une mise en scène, une image assez séduisante, mais ça restait une série procédurale, donc qui, en fait, a une histoire qui tient sur un épisode entier, et à l'épisode d'après, on passe sur une autre histoire, même s'il y a un fil rouge qui lie l'ensemble des épisodes d'une saison et de la série en elle-même, mais le fil rouge est assez mince, il me semble. Alors, fin des années 90, en tout cas dans les années 90, il me semble que c'est à la fin, plus qu'au début, mais il y a quand même eu des séries comme Oz ou Les Sopranos ou Twin Peaks. Twin Peaks, pour le coup, c'était le début des années 90, il me semble, qui sont considérées comme étant des chefs-d'œuvre de la télévision. Mais c'était, pour moi, c'était des types de séries qui faisaient figure d'exception et. Par contre, qui ont amené à la production des années 2000, naturellement, et qui étaient du coup beaucoup, comment dire, beaucoup plus capables, à défaut d'un meilleur mot, de séduire un plus large public, puisque donc on a eu voilà, The Wire donc, au début des années 2000, Six Feet Under, Lost, Desperate Housewives, The Shield. Des séries en fait que les gens, j'avais entendu ça il y a quelques années, des séries dont les gens n'avaient pas honte de discuter à la machine à café en fait. Et ce sont des séries bien plus feuilletonnantes d'ailleurs que les séries que je vous ai citées précédemment. Comment dire? Bref, donc voilà, pour moi, il y a eu une sorte d'avant et d'après les années 2000. Hein, voilà, aujourd'hui, regarder des séries de télé, ça fait partie vraiment de la culture commune. Notamment, ça a été popularisé par Netflix. Aujourd'hui, d'ailleurs, on ne dit même plus regarder la télé, on dit regarder Netflix. C'est vrai. Voilà, mais pour moi, vraiment, ce qui a fait la transition, les séries qui ont fait la transition, principalement, ce sont les séries des années 2000, du début des années 2000. Et Dexter en fait partie. Voilà, Dexter, c'est typiquement une série dont visuellement, cinématographiquement, esthétiquement, la frontière entre série et film est assez ténue. Et du coup, voilà, ça a beaucoup, ça a beaucoup, ça a bien fonctionné. L'histoire et l'écriture étaient également très réussies. Et donc, Dexter, c'est une série qui est née en 2006, qui s'est terminée une première fois en 2013. Et du coup, 7, 8 ans plus tard, on se retrouve avec une neuvième saison intitulée New Blood, puisque en fait la saison 8 de Dexter, le final de Dexter, avait extrêmement divisé et elle avait même plus déçu qu'apprécié par les fans. En fait, le showrunner qui était là jusqu'à la saison 5 a ensuite dévoilé comment il comptait terminer Dexter après la saison 5. Donc à la saison 6, je crois. Et Alors, ouais. ça a rendu le truc encore, enfin la fin de la série Dexter, ça l'a rendu encore plus décevante. Alors, je ne sais plus s'il l'avait révélé, mais oui, ça me dit quelque chose. En revanche, voilà, c'était le showrunner en question, c'est Clyde Phillips, qui est parti non pas à la saison 5, mais à la saison 4, hein, qui était considéré D'accord. comme vraiment le pinacle de la série Dexter. Personnellement, j'ai apprécié les saisons suivantes jusqu'à la saison 8, vraiment. Pour le coup, là, je rejoins la majorité des gens, la saison 8, je n'ai pas aimé. Et donc, du coup, Clyde Phillips est revenu pour cette saison 9. C'est lui qui était en charge de cette saison. Et donc, voilà, l'objectif, c'était de proposer aux fans une fin, la fin que la série méritait, en fait. Et il y a du bon et du moins bon dans cette saison. Déjà, moi, je ne suis pas un grand fan des revivals. Les revivals qu'on a en tout genre actuellement, notamment de séries qui viennent d'être terminées, hein, par exemple Pretty Little Liars, horrible série, hein, qui s'est terminée au bout de cette saison il y a peut-être 3 ans et qui a déjà un remake d'annoncé. Voilà, ce sont des choses un petit peu ridicules. Mais pour le coup, Dexter, voilà, la saison 8 étant ce qu'elle est, je me disais, la saison 9 ne pourra pas faire pire, et effectivement, elle n'a pas fait pire. Déjà, il y a deux choses que je trouve particulièrement réussies dans cette saison. C'est le personnage de Dexter, ce qui est essentiel. On retrouve avec plaisir ce personnage qui ne semble pas avoir tant vieilli que ça, en plus. C'est une fausse impression, parce que bien sûr, si on compare la saison 8, la saison 9, on voit que l'acteur a vieilli, mais en fait, on a l'impression que rien n'a changé, en fait. On retrouve l'acteur et le personnage comme si on les avait quittés la veille. C'est assez agréable, et voilà, toujours un plaisir d'entendre les pensées du personnage de Dexter, qui sont assez ironiques la plupart du temps par rapport à ce qui se passe autour de lui, à ce que les gens lui disent, puisque d'ailleurs le scénario, il faut peut-être le présenter, tout le monde n'est peut-être pas au courant du pitch de Dexter. Dexter, c'est un serial killer qui a un code qui lui a été enseigné par son père adoptif. En gros, il ne peut tuer que des assassins, des tueurs en série, des personnes qui auraient leur place en prison mais qui échappent au système et qui continuent leurs méfaits impunément. Voilà, donc Dexter a trouvé ce moyen d'être un tueur en série mais appréciable pour le téléspectateur et comment dire, et qui lui permet de, comment dire, de vivre en société, parce que pas grand monde ne se soucie des tueurs en série qui disparaissent, etc. Et en plus, il travaille dans la police, hein, de son. Exactement. Il analyse les taches de sang sur les scènes de crime, ce qui lui donne un avantage, bien sûr, dans sa traque des tueurs en série. Alors, je ne vais pas vous spoiler, du coup, comment s'est terminée la saison 8, de même que je vais éviter de vous spoiler ce qui se passe dans la saison 9. Ce que je peux vous dire, c'est que le début de la saison 9, on est sur un nouveau on est sur une sorte de nouvelle ville, nouvelle vie pour Dexter. On rebat les cartes, en quelque sorte. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que l'évolution de Dexter dans cette saison 9 est assez bien travaillée. Dans un premier temps, Dexter a vraiment arrêté ses crimes. Ça fait depuis qu'on l'a quitté, il n'a plus tué personne. Et puis, il va bien évidemment faire couler le sang assez rapidement dans cette nouvelle saison. Et en fait, à partir de ce moment du moment où le sang coule de nouveau, on a un Dexter qui va se sentir de nouveau prédateur, qui va de nouveau ressentir le besoin d'être plus malin que tout le monde, et qui va en fait être l'architecte un petit peu de certains événements funestes qui vont se produire au cours de cette saison. Ça, c'est bien travaillé. Et le personnage de Debra, qui était l'un des personnages principaux de la série jusqu'ici, revient dans la saison 9. Donc Debra, qui est la sœur de Dexter, revient dans la saison 9, pas physiquement, en tant que représentation de la conscience du personnage. Et ça a été assez réussi, ça aussi. Puisqu'en fait, le personnage que l'on peut trouver parfois agaçant même, hein, dans la saison 9, alors que c'était l'un des personnages préférés des fans dans la série jusqu'ici. Pourquoi elle est agaçante ? Parce qu'en fait, elle incarne les pensées que Dexter essaye de refouler. En fait, elle va être en quelque sorte la voix de la raison de Dexter, une raison qu'il ne veut pas écouter. Et du coup, ça donne quelque chose qui fonctionne assez bien, parce qu'on comprend qu'en fait, tout ce que va faire le personnage de Dexter, il va le faire en sachant inconsciemment, plus ou moins consciemment, qu'il ne devrait pas les faire. Il y a vraiment tout le dilemme moral du personnage qui est de nouveau présent dans cette saison, et ça fonctionne très bien. Ce qui fonctionne moins bien, et je vais essayer de faire court, c'est le personnage d'Harrison qui revient dans cette saison 9. Harrison, qui était donc l'enfant de Dexter, qui a grandi depuis et que l'on retrouve dans cette saison 9 adolescent, et qui tombe dans le, comment dire, c'est un adolescent de série américaine, quoi, c'est-à-dire qu'il est insupportable. Alors là, ça se justifie plus ou moins par le scénario. C'est vrai qu'on aurait eu du mal à imaginer un adolescent modèle, ça n'aurait pas bien, comment dire, ça n'aurait pas correspondu. Ça n'aurait pas bien collé avec l'histoire qui était racontée, mais y a des moments où c'est très dur dessus. Enfin, vraiment, les adolescents dans les séries américaines, c'est très rare que ça fonctionne, je trouve. Et dans cette saison-ci, bien qu'il y ait des circonstances atténuantes dues au scénario, à ce que la série essaye de raconter, ça passe pas toujours bien, notamment à la fin de la série où je trouve que ça ne passe pas du tout. Et le deuxième point noir pour moi de cette saison, c'est le personnage d'Angela, qui est la copine flic de Dexter, qui est, donc on est à Iron Lake, une petite ville, un petit village, un petit patelin, c'est pas l'Alaska, mais vous voyez, c'est vraiment au nord de l'Amérique, quoi. Il y a de la banquise, il y a tout ce que vous voulez, c'est limite, il n'y a pas des ours polaires. Et voilà, c'est un patelin où il n'y a pas grand monde qui vit, et il y a des disparitions depuis des dizaines d'années de jeunes filles. Et ça n'a l'air, alors un coup ça n'a l'air de n'inquiéter personne, en tout cas de ne pas inquiéter Angela qui n'a pas l'air de s'en rendre compte, et puis un coup oui effectivement elle est consciente qu'il y a des enlèvements et tu apprends qu'elle enquête dessus depuis des années mais sans succès. Bon, et donc ce flic d'une petite ville qui est supposée, voilà, à part les enlèvements qui sont vraiment des choses importantes qui peuvent se passer dans cette ville, elle doit enquêter sur quoi, des contraventions de stationnement. Enfin, il n'y a rien qui se passe, quoi. Tout le monde se connaît, tout le monde est gentil. Enfin, voilà. Ouais. Et elle se révèle être une enquêtrice redoutable, dont les déductions, en réalité, se frôlent la divination. Elle va être aidée, en plus, par un scénario, enfin, une écriture assez téléphonée, qui va... on peut le comprendre par moment, mais bon, qui va quand même enchaîner les coups de chance. Et ça fonctionne très mal parce que, bah, en vérité, voilà, ce sur quoi enquête Angela, c'est une intrigue, c'est l'un des, ouais, c'est l'une des intrigues principales de la saison. Et on a du mal à se dire que, comment dire, que cette flic réussit grâce à la fois au hasard et à des dons de divination, puisque c'est pas possible. On n'a jamais vu un flic aussi intelligent. Enfin, c'est Sherlock Holmes, la fille, quoi. voilà. Donc, ce sont vraiment les deux points noirs de cette saison 9 pour moi. Et alors, la fin que cette saison 9 propose, c'est effectivement une fin qu'on aurait aimé avoir plus tôt, qui aurait beaucoup mieux collé à la fin de la saison 8. La fin qui est proposée ici, du coup, elle a encore une fois divisé les fans, peut-être moins que celle de la saison 8, mais elle n'a pas fait l'unanimité, loin de là. Moi-même, j'avoue que je ne sais pas trop quoi en penser. J'aurais tendance à dire que je l'apprécie, en tout cas que je la préfère à la saison 8. Mais c'est une conclusion qui aurait dû arriver, voilà, en fait, à la saison 8. C'est ça qu'on aurait dû avoir à la saison 8. Et là, de la façon dont ça arrive, avec, voilà, les points noirs que je vous ai présentés en essayant de ne pas vous divulgâcher le scénario, c'est un petit peu compliqué néanmoins. Voilà. Après, une suite est en... Comment dire, Clyde Phillips a déclaré qu'il aimerait produire une nouvelle saison de Dexter. Pour moi, je pense qu'à un moment donné, il faut... Voilà, c'est bon. La série a eu droit à deux fins, il faut passer à autre chose maintenant. Mais de façon, généralement, quand les Américains font une série, ils ne l'arrêtent que lorsqu'elle n'a plus d'audimat. Et encore, il faut vraiment qu'elle n'a plus personne. Et parce c'est vrai que, ce que tu dis. Parce que The Walking Dead, regarde, oui. Ça s'est effondré et il continue. Je pensais à la même chose. Mais tu sais que, enfin, vous ne savez peut-être pas, mais la saison 9 de Dexter a établi un record d'audimat, de téléspectateurs, pour Showtime. D'accord, là, ok. Ouais, c'est... Je sais plus quelle série était... Le précédent record était détenu, il me semble, par la saison 3 de Homeland. Et du coup, aujourd'hui, la saison 9 de Dexter a été la série la plus vue de Showtime. Donc, la production pourrait tout à fait être enclin à produire une nouvelle saison. À mon sens, ça serait pas la meilleure chose à faire. Je pense que ce serait bon de passer à autre chose, mais voilà. Pas moi qui décide. Et en tout cas, le showrunner a bien envie de produire une suite. Ok. Est-ce que tu as pu placer tout ce que tu avais à placer ? Bah oui, je pense que j'ai même fait un petit peu plus long que ce que j'avais prévu. Je te passe le micro. Alors pour ma part, je ne vais pas vous emmener n'importe où, je vais vous emmener au lycée, et plus précisément dans un lycée en Corée. Et oui, plus qu'on va parler de la série coréenne Extracurriculaire, qui a été créée par Jin Han Sae et disponible sur Netflix, même une production Netflix apparemment. Alors pour le petit synopsis, Oh Jin-so, lycéen surdoué, décide de se lancer dans une carrière criminelle afin de payer ses études supérieures. En marge de sa vie scolaire, il orchestre donc un dangereux réseau que personne ne doit découvrir. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, ça fait un peu série qui vise les ados. On est dans un certain stéréotype. Et puis, soudainement, la série change de ton et on entre vraiment dans le thriller. Je l'ai déjà dit sûrement, mais les Coréens surprennent dans le développement de leurs histoires. Les personnages sont développés en prenant le temps qu'il faut, et quand on pense que le filon est épuisé, eh bien paf, changement. Et Extracurriculaire, c'est exactement ça. Tout au long de la série, on ne s'ennuie pas et on s'attache aux personnages. Comme à chaque fois dans une série coréenne, surtout dans les thrillers, on critique la société, plus que là, le personnage principal fonde un réseau criminel qui est un réseau de prostitution ou, pardon, excusez-moi, un réseau de protection des prostituées. Et il fait ça donc pour payer ses études. Mais dedans, qu'est-ce qu'on sous-entend? Alors grossièrement, hein, je grossis le trait, on sous-entend qu'il est plus facile d'être un criminel pour se payer un avenir en Corée, parce qu'il pourrait travailler légalement, etc. Mais c'est abordé un moment dans la série, en fait, le problème c'est que pour gagner assez d'argent, en travaillant normalement, eh bien il doit sacrifier ses études. Donc il ne peut pas faire les deux. On a aussi le personnage de Bae Gyori, qui est joué par Park Jun-yoon, actrice formidable au demeurant, avec un charisme électrisant. J'adore cette actrice qui d'ailleurs a fait ses débuts un peu avec la série. Ce personnage donc de Gyori est riche, mais elle est utilisée par ses parents au profit d'une ascension sociale. On sous-entend un mariage forcé à un moment, on sous-entend aussi des abus qui pourraient aller plus loin, et donc du coup un mal-être très profond pour cette jeune femme. On a aussi le personnage de Seo Min-hee, qui est joué par Jung Da-bin, qui se prostitue elle pour faire plaisir à son petit copain, au lycée hein, donc. Et bien sûr, on parle dans la série du harcèlement scolaire et aussi du devenir en fait d'anciens soldats. Elle a plein de thématiques comme ça et la série est extrêmement bien écrite. Vraiment, on a un vrai développement au niveau des personnages. C'est une série à suspense qui est parfois malaisante dans sa violence comme savent le faire les Coréens. Et c'est ce qui rend aussi la série géniale, ou les séries coréennes assez géniales de manière générale. Vous l'avez compris, moi, la Corée, je kiffe. En fait, quand je dis ça, je pense un moment, je ne dis pas quand exactement, mais il y a une bagarre générale. On a une bande qui arrive et qui veut tabasser une autre bande. Alors ça finit, il y a tout le monde, ça finit à la barre de fer, etc. C'est un peu what the fuck, on fait, les mecs, ils arrivent d'un coup. Et à un moment, il y a un type, je ne dis pas qui, qui rentre et qui fout des droites à tout le monde. La scène est vraiment hallucinante. Le type rentre, on le suit de dos. Et bam, bam, et il fout vraiment des droites à tout le monde. Et on a même un des personnages qui se retourne et qui le regarde et qui fait « Oh, bah, j'ai pas compris, il y a un mec qui est arrivé qui a foutu des droites à tout le monde. » Et ça dure longtemps, je crois, ça dure 5 minutes. La scène est vraiment sidérante, elle est drôle et en même temps, elle est triste. Pour moi, cette scène-là, si vous la voyez, c'est l'un des brios de la série, c'est d'arriver à des séries coréennes, c'est d'arriver à mélanger tout ça. À mélanger l'absurde, le drôle et le malaisant. Parce que la série, c'est un drame qui est tantôt horrible, tantôt drôle, et avec une fin par rapport à Dexter qui est extrêmement bien réussie. Les fins de série sont parfois décevantes, comme tu l'as sous-entendu, Vincent, avec Dexter. Mm-hmm. Et là, je trouve qu'ils ont bien réussi leur fin. Ils ne pouvaient pas mieux terminer la série, pour moi. Connaissant toutes ces évolutions de personnages, etc. Et même, c'est une série qui n'a pas beaucoup de budget, hein, je pense, par rapport à d'autres séries américaines, etc. Mais qui arrive, qui a le succès là où d'autres avec plus de budget n'ont pas de succès. Il y a une séquence de rêve, par exemple, enfin de rêve ou d'hallucination, et qui arrive comme un cheveu sur la soupe, et qui fonctionne d'ailleurs très bien parce qu'on est surpris et elle est là pour être drôle et en même temps montrer tous les enjeux du personnage. Il n'y a pas beaucoup de budget, mais il n'y a pas d'effets spéciaux et c'est juste par des astuces de montage des astuces de réalisation, du jeu d'acteur, qu'on arrive à faire halluciner le personnage, en fait, à ce moment-là. Et moi, ça m'a beaucoup fait penser à un truc qui est beaucoup moins bien réussi, c'est dans Spider-Man avec Mysterio, Far From Home, voilà. Il y a toute une séquence de rêves à gros budget, avec plein d'effets spéciaux, etc. Dégueulasse. Merci Vincent d'avoir dit ma conclusion. Effectivement, qui est effectivement dégueulasse. Donc on voit les effets spéciaux, etc. Et en plus, quand on a vu beaucoup de films fantastiques, cette scène de Spider-Man n'est pas surprenante. En fait, elle est même lambda, et on se dit qu'ils auraient pu faire mieux avec tout cet argent-là. Là où, par exemple, avec moins de budget, extracurriculaire, arrive à faire rire et à exprimer et à faire rire et avec une séquence de rêve à la rendre des plus utiles pour l'histoire. Et en même temps à être divertissante aussi, à d'un coup d'un seul, tac, on change le montage de la série et on fait quelque chose de drôle. Donc c'est vraiment une série que je vous conseille si en plus... Bon alors si par contre vous n'aimez pas le sang, etc. Alors la série a quelques passages qui sont, comme je l'ai dit, malaisants parce qu'il y a un peu de sang, mais c'est pas une effusion de sang, etc. Ça reste... c'est pas, j'en sais rien, on coupe la tête ou ce genre de choses. Ça reste malaisant, mais c'est pas des effusions de sang. Et je le répète encore, c'est du suspense, c'est un thriller avec des ados dedans. Mais qu'est-ce qu'elle est bien, cette série ? C'est qu'une seule saison. Elle se termine au bout d'une saison et c'est amplement ce qu'il lui faut. Une seule saison, je sais plus combien il y a d'épisodes. Et franchement, c'est à voir, c'est à découvrir. Si encore une fois, vous n'avez pas l'habitude des séries coréennes, bien qu'avec Squid Game... Le filon explose en ce moment avec Squid Game, Hellbound, etc., etc. Bref, voilà, j'en ai terminé avec Extra Curricular. Eh bien, si ces messieurs n'ont désormais plus rien à rajouter, j'aimerais leur poser une question. Est-ce que vous savez quelle est la thématique du mois de février, puisque cette émission passera au mois de février ? Non. La dernière fois, c'était l'amour, c'est ça la réponse ? Oh Vincent, t'es génial, c'est ça, c'est l'amour au mois de février, la thématique. Mais pourquoi c'est l'amour ? Parce que c'est la Saint-Valentin, évidemment, la fête des amoureux, la fête où les fleuristes hyper contents aussi. Eh bien, pour fêter l'amour, chers auditeurs, on aurait pu vous diffuser Misty Mauve pour une soirée torride, mais on va se tenir à Love Dramatique par Masayuki Suzuki et Rika Ihara. Et on se retrouve juste après ça. T'en peux plus, hein, de... C'est-à-dire, on sait qu'au mois de mars, la réponse est l'amour aussi. Ça fait deux fois. Kitsumatsu wa iranai, かれて、もっと壊れてみたい。Oh, love me, Mr. Oh, Mr. 綺麗な横顔見せて。ねえ、Mr. もう Mr. 口づけまでが遠くて、美しさに隠されたピュアなだけじゃない瞳に飲み込まれる危ないゲーム。 Love is all, love is all, love is all。 あなたはいつまで答え言わないの。 I know 秘密います。 Et donc on se retrouve après cette pause musicale par Masayaki Suzuki et Rika Ihara avec Love Dramatic, qui est aussi un opening de Love is War, tout comme Daddy Daddy Doo. On espère que vous avez apprécié et que cela égaillera votre Saint-Valentin. N'hésitez pas aussi à caser un Misty Mauve de Masayaki Suzuki. Voilà. Si vous nous écoutez à la Saint-Valentin, je suis pas sûr que vous passiez une formidable Saint-Valentin, quoi. Non, mais pourquoi pas? T'entends, chérie? Dexter, la fin, elle est pas si bien que ça. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Aïe, aïe, aïe. Bref, on parlait d'extracurricular et maintenant on va passer à. C'est bien d'ailleurs, extracurricular. Enfin, ça avait l'air bien ce que tu disais. J'ai pas réagi sur le moment, mais ça donnait envie. Merci, cette série est vraiment trop trop bien. Non, mais blague à part, moi j'ai vraiment vraiment kiffé cette série. Voilà, non mais tu me rajoutes plein de séries coréennes sur ma liste, je ne vais plus avoir que ça à regarder bientôt. Tant mieux. Tant mieux. Et bien maintenant, du coup, pour la partie cinéma, on va aller au pays des morts. Monsieur Ward. Ouais. Ça vous dirait d'empocher 50 millions de dollars? Il y a 200 millions de dollars qui dorment dans une chambre forte sur le strip. Vous aurez une fenêtre de 32 heures pour les récupérer. Trouvez le coffre. Ce devrait être une simple excursion. Oh, Scheiße. Qu'est-ce que c'est? La vache, c'est un tigre zombie. C'est un truc de dingue. Et voilà, c'était un extrait de la bande-annonce de Army of the Dead par Zack Snyder et disponible sur Netflix et produit aussi par Netflix. Alors pour le synopsis, à la suite d'une attaque de zombies à Las Vegas, la ville a été mise en quarantaine, mais le patron d'un casino, Bly Tanaka, y voit une occasion en or et envoie une équipe d'experts dans la zone isolée pour réaliser le plus grand braquage de l'histoire et voler 200 millions de dollars. Alors Zack Snyder avait promis du farfelu, d'aller à fond les ballons dans le trip zombie. Bah, jouer à Left 4 Dead 4 ou regarder All of Us Are Dead, ça sera mieux. Left 4 Dead 2. Oui, Left 4 Dead 2. Alors, pour ceux qui suivent Causons Pixel, vous le savez, les chroniqueurs ici présents aiment bien Zack Snyder. Oui. Un peu. J'aime bien Zack Snyder, j'aime beaucoup Zack Snyder. Pour parler du film, je vais m'axer principalement sur le point qui m'a le plus chiffonné. Eh bien, le film ne sait pas dans quel camp jouer. C'est-à-dire, il est dramatique ou il est comique. En fait, le film, il est sans cesse en train de faire des va-et-vient brutaux entre le comique et le dramatique, et le générique, qui est au demeurant bien filmé, hein, eh bien, pour moi, c'est un avertissement du fait que le film ne sait pas dans quel camp jouer. Durant les à peu près 5 minutes d'introduction, on voit du farfelu qui marche bien, comme avec cette dame qui a un t-shirt avec marqué « Ejaculate » dessus et qui a une mitrailleuse lourde et qui réduit en charpie un zombie. Enfin, le truc explose dans tous les sens. Ça fonctionne super bien. On a un type avec une scie circulaire qui est en train d'éventrer du mort-vivant. On se dit « Waouh, c'est trop bien, ça va être ouf !» À côté, on a une dame et sa fille qui meurent, filmées de manière dramatique. Voilà, ils sont écrasés par un conteneur, mais c'est filmé de manière très dramatique. On a aussi ces soldats qui posent avec une photo de membres ou de leur famille qu'ils ont perdu ou de quelque chose qui les caractérise. Et ça, ça rajoute du dramatique à côté du farfelu. Et en fait, il manque un lien pour mélanger le dramatique et le comique et qui est essentiel, et c'est le gros problème du film, à mon sens, c'est la qualité d'écriture. Pour Justice League, Zack Snyder s'est entouré de bons scénaristes. Pour Army of the Dead, il était tout seul avec une autre personne et la qualité d'écriture n'est pas au rendez-vous, à mon sens. Un exemple, Kaamelott. Kaamelott, il fait très, très, très, très, très bien le mélange des genres comique, dramatique, épique. Pas du tout, mais continue. D'accord, bon, pour Vincent, pas du tout. Comment t'as dit que ça s'appelait? All of Us Are Dead. Je l'ai mis sur ma liste. Je ne suis pas censé parler de ça. Normalement, c'est Tiffen qui en parle, mais comme elle n'a pas pu venir aujourd'hui, voilà, je vais juste dire ça. C'est entre vraiment le farfelu. On a des situations qui sont du grand guignol avec les zombies, et c'est fait pour. Enfin, on voit que les réalisateurs savent ce qu'ils font. Et en même temps, on a des moments qui sont dramatiques, et comme je l'ai dit, avec un propos social qui est percutant, et des plans qui sont super bons. Mais je vais y venir tout à l'heure pour comparer avec Army of the Dead. Et pour moi, en fait, Army of the Dead, avec ces deux exemples, on va rester sur All of Us Are Dead, hein, pour moi, Army of the Dead, c'est donc un film qui n'arrive pas à être bon dans ce qu'il propose malgré la manière de filmer qui, elle, est une très bonne idée, c'est-à-dire filmer avec très peu de profondeur de champ. On joue sur les zones de flou, ça donne vraiment un cachet particulier à l'image du film. Mais dans tout ce que propose le film, même la réalisation, il n'est pas bon. Enfin, il est tout juste moyen. En fait, aucune idée n'est exploitée à fond. Exemple, on a une séquence avec des zombies qui sont presque à l'état de statue. Et les personnages, en fait, doivent passer entre les zombies, discrètement, sans les toucher, sans faire de bruit, et en jetant sur le sol des, vous savez, des espèces de petites lumières qu'on casse, des lumières fluo. Avec ça, normalement, il y a plein d'idées de mise en scène et de symbolique à faire. Et Snyder n'en fait rien. Et je me souviens que c'est avec cette séquence-là, j'avais été extrêmement surpris de voir à quel point Snyder n'en faisait strictement rien. Pour aller plus loin là-dessus, un Snyder de Justice League aurait joué avec les silhouettes des zombies, il aurait joué avec les ombres, il aurait mis des positions grotesques, en fait, pour en rendre quelque chose d'épique. Ou j'en sais rien, il aurait peut-être fait l'armée en terre cuite, mais version zombie, et marché en plein milieu. Ça aurait fait l'armée de zombies qui s'apprête à déferler sur le monde, plus que la suite s'appellera Planet of the Dead. On aurait eu ça, mais il n'en fait rien. On a Dave Bautista, catcher, une montagne de muscles. Moi, je vois Dave Bautista dans un film de zombies où on me dit qu'il va être farfelu. Mais je m'attends à ce que le mec, il fasse du catch. Qu'il prenne un zombie, il le coupe en deux, quoi, le machin. Il lui arrache la tête avec les mains, il prend une table, il s'en sert comme bouclier. Enfin, le type, il devient Léonidas, quoi. Et ben en fait, non. Rien du tout. Mais vraiment rien. On a une petite scène de baston qui dure 20 secondes. Ensuite, on a un personnage qui est philosophe dedans. Mais ça, on ne le sait qu'avec une petite affiche de magazine dans le générique du film. Et à la fin, parce qu'il sort une réflexion qui est intéressante. Et c'est tout. Alors que ce personnage-là, on se dit, mais quand on comprend qu'il est philosophe, si on comprend qu'à la fin, on fait, mais pourquoi ça n'a pas été exploité tout le long du scénario ? Pourquoi, quand il passe quelque part, il n'a pas son petit truc ? Pourquoi c'est pas même pas un moteur, tu vois, du scénario dans la symbolique ? Pourquoi c'est pas lui qui soulève la symbolique du film en disant, tiens, le casino qu'on va braquer s'appelle l'Olympe ? Pourquoi c'est pas lui qui fait ? Il manquerait plus qu'on ait Zeus, paf, le chef des zombies. Qui est d'ailleurs est appelé Zeus hein, dans le générique, me semble-t-il. Eh bien, Snyder, en fait, toutes ses idées, il en s'est même pas exploité. C'est pour ça, quand j'ai vu le film, j'ai dit, faites un remake coréen, ça sera moins décevant. Eux, ils iront à fond dans le trip, ou alors filez-le à des Japonais. Eux, ils vont aller à fond dans le what the fuck, hein, mais bien à fond. En fait, on n'est jamais ni dans le what the fuck, ni dans le comique, ni dans l'épique. Alors que pour ce dernier, pour l'épique, Snyder peut réussir. On l'a vu avec Justice League. En plus, on en a fait un podcast de 4 heures sur Justice League. Ouais. Pour tout l'épique, pour toute la dimension symbolique. Mais en fait, en voyant le film, j'ai pas pu m'empêcher de me dire qu'il a bâclé Army of the Dead pour aller terminer Justice League. Parce que, autre chose, je parlais des plans tout à l'heure, c'est la première fois que dans un film de Zack Snyder, aucun plan ne me marque. À la fin, quand j'ai regardé le film, j'ai fait « Ah, il y a peut-être ce plan-là. » Et finalement, je me suis dit « Bah, en fait, non. » Il n'y a rien qui m'a marqué la rétine. Je pense que ceux qui aiment bien Snyder, ou même ceux qui n'aiment pas, il y a au moins, je pense, un plan qui vous a marqué la rétine. Que ce soit dans Justice League, ce plan où Superman arrive à suivre Flash des yeux. Ou alors dans 300, Léonidas qui part tout seul de profil. Enfin, on peut citer des choses. Mais même dans son court-métrage, d'ailleurs. Même dans son court-métrage, on peut citer des plans. Là, en fait, on dirait pas que c'est du Snyder. Et hormis pour la scène d'intro. Oui, pardon, Flo. Quand tu dis qu'il a pas exploité le potentiel des idées qu'il a eues, est-ce que tu penses que ça pourrait être en lien avec un manque de budget ? Est-ce qu'il aurait eu assez de budget pour pouvoir aller à fond dans les idées qu'il avait ? Non, et c'est là où l'exemple de All of Us Are Dead est pertinent. Moins de budget, ils exploitent leurs idées. Alors, pour l'instant, là, au moment où on enregistre, j'ai vu que en deux épisodes, All of Us Are Dead a mis KO pour moi Army of the Dead. Mais KO, il n'y a rien à dire. C'est pas un manque de budget. Je veux dire, All of Us Are Dead, il y a un moment, t'as les zombies qui attaquent une cantine et t'as la caméra qui se balade dans toute la cantine. Ça fait presque un plan séquence. Le plan est génial. T'as un plan où t'as la caméra qui fait une plongée et soudainement, on voit les zombies sortir du bâtiment, exploser les vitres et tomber comme ça. Le plan est hallucinant. Ça marche trop bien. C'est pas une question de budget. Là, je ne sais pas ce qu'a fait Snyder. Pour moi, Army of the Dead, c'est le moins bon film de Zack Snyder. Et c'est pour ça que je me dis Snyder devrait revenir à des films avec moindre budget, où il va beaucoup moins se reposer sur ses lauriers et trouver des moyens de se renouveler au niveau soit des thématiques, soit des personnages, de l'écriture, des plans, en sachant que Snyder a un film de guerre qui est prévu depuis longtemps, normalement The Last Photograph, je crois bien que c'est un film de guerre, qu'il n'a toujours pas fait. Là, je ne sais pas par quoi je pourrais défendre Army of the Dead, enfin avec quoi je pourrais défendre ce film. Il faut qu'il revienne à des trucs avec moins de budget, et là où avant, quand Snyder annonçait un film, je me disais « j'ai hâte », maintenant, ces prochains films qui vont être avec Netflix, bah, je me dis, ouais, on va voir. Et autre chose encore, c'est que pour moi, un créateur, certes, il est talentueux, Snyder est talentueux, mais comme tout créateur, un bon créateur, c'est quelqu'un qui sait aussi s'entourer d'une bonne équipe, d'une équipe qui sera talentueuse aussi, qui saura pourquoi pas dire quand... le réalisateur, là, dans le cadre d'un film, bah, non, tu vas trop loin, ou alors non, ton idée, elle n'est pas assez exploitée. Ou alors, ou plein d'autres choses comme ça, des contradictions, ou voire des ajouts que les autres peuvent faire, que le chef opérateur peut faire, que le scénariste peut faire, etc., qui vont faire un bon film, comme on l'a vu avec Justice League, comme on le voit avec 300, Batman v Superman, etc., etc., chez Snyder. Mais ça fonctionne avec les autres créateurs dans le jeu vidéo, Hideo Kojima. Alors certes, on dit Hideo Kojima, mais je pense que Kojima, jusqu'à présent, a eu une bonne équipe derrière lui. Oui, et qui d'ailleurs, je ne suis pas son tuteur ou autre, mais souvent, il a mis en avant son équipe dans des tweets. Comparé à ce qu'on dit facilement, voilà, il s'arroge toutes les éloges. Dans les tweets en japonais, en tout cas, il parle de son équipe. Bah voilà, et vraiment, le film est moyen. Et aussi, un truc à souligner, c'est que... alors, c'est vrai que c'est un truc qu'on peut retrouver dans les films de Snyder, c'est que l'émotion reste... le type d'émotion reste constant. On n'a pas de grandes vagues, en fait, d'émotions. Un film, tout comme un jeu, même si, par exemple, dans le jeu vidéo, à l'heure actuelle, on est en train de nous dire il faut du fun tout le temps, il faut être au taquet. Une œuvre artistique, une œuvre qui fonctionne chez les joueurs, même qui se vend, hein, si on pense d'une manière très pragmatique, une œuvre qui se vend, elle doit savoir gérer le flux d'émotions qu'elle renvoie. C'est-à-dire hausse d'intensité, baisse d'intensité dans l'émotion, changement d'émotion. Donc, Flo, t'en as souvent parlé dans les LMAD, avoir du négatif aussi dans les émotions, à jouer avec du positif, etc. Army of the Dead, il y a du négatif dans les émotions, c'est pas un souci, mais ça reste constant. Même les moments de suspense, la bande-annonce parle d'un tigre zombie. Ouh, farfelu. En fait, non, c'est pas exploité. Pourtant, il y a un tigre zombie, je pense que t'as des trucs de malade à faire, j'en sais rien. Il grimpe sur les murs, le truc, il lance des toiles d'araignée, on s'en balèque. Tu nous dis que tu fais du farfelu, vas-y à fond. Après, c'est vrai, c'est d'autant plus décevant que quand Snyder avait présenté son film à la presse, il avait introduit, il avait bien précisé, c'est juste un délire que je me suis tapé moi et mon équipe, ça ira pas plus loin que le gros délire. Et du coup, on s'était dit, ah ben super, il a de l'argent, il peut faire un truc loufoque, il va y aller à fond, et ouais, ça a l'air d'être décevant, qu'il ait mesuré sa folie. Alors, il y a sûrement que sa folie soit mesurée, peut-être qu'il l'a bâclé pour aller plus vite sur Justice League, et peut-être aussi ouais, je sais plus ce que je voulais dire, mais bref. Il a été bridé par Netflix, peut-être ? Non, voilà, mais qu'il s'est trop reposé sur ses lauriers. Ah, d'accord. Aussi. Bah, parce que alors, moi, je n'ai pas vu le film et je veux pas prendre aveuglément la défense de Zack Snyder. Mais j'ai vu très peu de films de Netflix. Le seul qui me revient là, c'est l'adaptation live de Death Note que j'ai pas du tout aimé. Mais de ce que j'entends, les films Netflix sont rarement bons. Et moi-même, quand un film semble m'intéresser, quand je vois sa bande-annonce et qu'en fait je comprends que c'est un film Netflix, j'ai d'un coup moins envie de le voir. Je me dis, est-ce que vraiment c'est une malchance que coup sur coup les films Netflix ne soient pas ouf? Est-ce que quelle est la part de responsabilité de Netflix là-dedans? Je sais pas, mais quand même, il me semble, hein, peut-être, vous en avez peut-être vu plus que moi des films Netflix, certainement même. C'est rarement très bon, ces types de productions. Non, c'est vrai que les films Netflix ont tendance, sauf quand c'est coréen, voilà. Je sais pas, il y a que les Coréens qui arrivent à conjurer le sort. Mais moi, je mettrais ça aussi, alors c'est peut-être la méthode Netflix, mais sur le truc de faut s'entourer d'une bonne équipe. Quand j'entends une bonne équipe, c'est aussi un bon producteur. Un bon producteur, plus que de vouloir faire du pognon, un bon producteur a un sens aussi artistique. Le producteur des films de citez-moi un réalisateur, je n'en trouve pas à l'heure actuelle, Catherine Bigelow, voilà. Oui, Vincent, tu disais ? Non, je voulais un réalisateur n'importe lequel. Oui, j'ai Catherine Bigelow, celle qui a réalisé Détroit et Des Mineurs. Mm-hmm. Son producteur, pour la produire, a un certain sens artistique. Donc il a une certaine ligne directrice, il a son idée du film. Et en fait, le producteur, à la base, n'est pas là que pour faire chier. Sauf dans les cas de gros blockbusters, comme on a pu le voir avec la débâcle des films DC Comics, où là, c'est carrément le président de la Warner qui avait chié dans la semoule. Un producteur a ce sens-là, et il va diriger, il va aussi dire au réalisateur « Ah, peut-être que là, c'est un peu trop, ou c'est pas assez. » Il y a une discussion qui doit se faire avec toute l'équipe, bien que si on considère le réalisateur comme étant l'auteur du film, c'est plus ou moins lui qui a le dernier mot, mais il échange. Et pour, comme ton pixel et de la manette au débat, ça parle de jeux vidéo quand même, pour donner un exemple dans le jeu vidéo, c'est Hidataka Miyazaki. Le créateur de Dark Souls, Sekiro, Bloodborne et bientôt Elden Ring, Miyazaki, il en parle, il dit « Moi, je parle beaucoup avec mes équipes. On parle de philosophie, on parle d'art, on parle de choses du quotidien et c'est ce qui fait que ça nourrit la création du jeu. » Il fait, par exemple, en parlant avec mes équipes, bah, des fois, il y a telle personne qui parle de ce sujet et ça nourrit ma réflexion pour le jeu. Même si j'ai le dernier mot, même si c'est moi qui décide, ça nourrit toute cette réflexion-là et j'écoute ce que mon équipe a à dire. Dans le cas de Army of the Dead, Snyder a peut-être été trop confiant. Et peut-être que Netflix ne lui a pas dit « Ah, peut-être que tu devrais faire ci ou faire ça ». D'un côté, ça peut être bien parce qu'un créateur qui a été bridé pendant des années peut se lâcher. De l'autre, il peut partir trop confiant et faire un résultat comme Army of the Dead. Ouais, voilà, c'est la faute de Netflix. Allez. Bon, voilà. Non, mais comme quoi, on ne dit pas que du bien de Zack Snyder. Quand il fait des trucs très moyens, on le dit aussi. Autre chose, Snyder en producteur. Bon, ça suffit maintenant. c'est la petite touche. Snyder a par exemple produit la suite de 300. Si vous l'avez vu, vous savez de quoi je parle. Oui. Et ce qui est con, c'est que par exemple, ça lui a empêché de faire. Il voyait il voyait une trilogie dans l'Antiquité qui devait se conclure par un film sur Alexandre le Grand. Ah ouais. Voilà, où dedans Alexandre le Grand, il prenait la théorie comme quoi Alexandre le Grand était homosexuel. Mm. Donc il devait représenter Alexandre le Grand, donc en grand conquérant et avec des scènes homosexuelles. Connaissant Snyder, je pense que ça aurait été explicite. Sauf que comme la suite de 300 a été un échec, il n'a jamais pu le faire. Mm. Voilà, c'est bon, j'arrête là. j'ai déjà fait trop long. Et donc, pour la suite. Sommes-nous dans le monde réel ? C'est une question que je me pose depuis que je suis tout petit. Thomas ? Vous semblez particulièrement perturbé. Vous pouvez me dire ce qui vous est arrivé ? J'ai fait des rêves qui n'étaient pas que des rêves. Vous pensez que je suis cinglé ? On n'utilise pas ce terme ici. Et donc, sommes-nous dans le monde réel ou sommes-nous dans la Matrice, Florian et Vincent, avec Matrix 4. Matrix 4, c'est ça. Donc, il fait suite aux trois précédents. Par contre, là où, à l'époque, ils ont été réalisés par les deux sœurs Wachowski, là maintenant, il n'y en a plus qu'une, Lana, qui est derrière ce film-là. Alors, de manière unanime, la réception du film est plutôt négative. D'ailleurs, il a du mal à fonctionner au niveau des entrées. Et en ce qui concerne mon ressenti en moi et mon avis, alors, il est plutôt négatif, mais il est en suspens. Tout dépend de savoir si on aura une suite ou pas. Même si, pour l'instant, le producteur aurait dit dans la presse que c'était pas prévu initialement, et bon, vu le mauvais score du film, ça enterre encore plus le fait qu'on devrait pas avoir de suite. Ce qui est dommage, parce que moi je l'ai vraiment vécu comme une introduction pour au moins un film, si ce n'est deux, qui s'ensuit. Je pense qu'on va aborder des détails un peu précis du film, hein, donc ça devrait spoiler un petit peu. On retrouve un Néo vieillissant. Et moi qui adore les personnages vieux dans les fictions, j'adore ce Néo-là. Vraiment, il est au charisme au maximum qu'il puisse avoir. Après, on a souvent reproché un côté un peu mou aux phases d'action. Ça ne m'a pas tant dérangé. Et puis j'ai beaucoup aimé un petit peu ce côté hasardeux. Enfin, Néo arrête les balles comme il le fait dans les films d'avant. Mais tu sens que c'est un... un sacré effort pour lui et qu'à tout moment, ça peut céder et il peut se faire complètement tuer par la vague de balles. Et ce côté sur le fil, ça m'a beaucoup touché. C'est un thème qui est assez rare finalement dans les fictions et ça m'avait déjà touché dans MGS4, qui est un des thèmes du jeu, la vieillesse, et un Solid Snake au bord de la mort. Donc voilà, j'ai été plutôt empathique envers Neo. Mais ce qui est très très frustrant, c'est que c'est un film qui lance plein d'idées. L'univers est vraiment exploré, mais c'est pas traité. C'est pour ça que j'ai un avis en suspens, parce que j'aimerais avoir au moins un film suivant qui les exploite. Puisque dans ce film-là, on se retrouve dans une nouvelle matrice. Ce qui est intéressant, c'est qu'on nous explique dans le film qu'elle est basée sur les émotions, en particulier le désir et la peur. Et donc, ce que laisse sous-entendre cette idée, c'est qu'on fait vivre ces émotions-là aux humains dans la matrice pour pouvoir l'alimenter, pour qu'ils puissent y rester. Rien que cette idée-là est géniale, puisqu'on peut très facilement faire le parallèle avec Internet et les réseaux sociaux, qui largement fonctionnent sur l'appel à l'émotion de la part des gens sur Internet. Et d'ailleurs, tu as ce plan, d'ailleurs Durandal l'avait largement commenté dans son analyse de trailer, dans l'ascenseur, où tu vois tous ces gens-là avec des smartphones, avec la lumière bleue, qui éblouit leur visage, avec cette idée qu'on a chacun sa petite matrice personnalisée. Mais voilà, c'est évoqué dans un plan, et finalement, l'impact de la matrice sur la vie au quotidien n'est vraiment pas traité, puisqu'on se concentre sur Neo et Trinity. Et je me disais, bah ouais, si jamais il y a une suite, ce sera l'occasion de traiter ce thème-là. C'est pareil, à la fin, quand l'architecte mobilise la population pour essayer de contrecarrer Neo et Trinity, il y a cette idée que la masse fait contrôle. Ça aussi, c'est intéressant par rapport à notre contexte-là avec Internet et les réseaux sociaux, mais on pourra en dire plus. D'ailleurs, très belle scène vers la fin avec les gens qui sont utilisés comme des bombes, qui m'a renvoyé à un film qui est complètement mésestimé de Shaya Malan qui s'appelle Phénomène, qui est un peu la première grande scène du film, qui a plus ou moins la même imagerie, qui est très forte. Donc, ouais, si tu veux rebondir avant que je continue. Sur cette scène spécifiquement, ça fait partie de ces rares images de Matrix Résurrection qui me sont restées en tête. J'ai trouvé ça vraiment très fort. Et puis, en plus, du coup, ça développe ce que tu disais sur l'appel à l'émotion, etc., sur laquelle la matrice... avec laquelle la matrice essaye de contrôler la population, parce qu'on peut y voir aussi ces gens qui d'un coup, comment dire, cette population qui va essayer d'attaquer Neo et Trinity, c'est un peu comme des haters quoi finalement, hein. C'est vraiment une vague humaine qui va s'en prendre à une ou deux personnes et pour essayer de les anéantir. Alors sur le contexte déjà, Matrix 4 a été annoncé, je ne sais plus quand exactement, peut-être en 2018 ou 2019, et j'avais été déjà assez étonné par cette annonce, puisqu'il me semblait que les Wachowski avaient toujours dit qu'elles ne comptaient pas faire de suite à Matrix, et il me semblait qu'effectivement la trilogie n'avait pas besoin d'un quatrième épisode. D'autant plus que, du coup, comme l'a dit Florian, Lily Wachowski ne fait plus partie, enfin, a arrêté le cinéma. Elle a produit ou écrit, enfin, en tout cas, elle a travaillé sur une série récemment qui s'appelle Work in Progress. Mais en dehors de ça, elle a un peu tourné la page sur Hollywood. Et donc, c'était assez étonnant. Moi, je me suis dit, quand cette annonce est apparue, j'ai pensé qu'en fait, Lana Wachowski s'était retrouvée un peu au pied du mur et avait été contrainte d'accepter ce projet. Parce que quelques mois auparavant, les bureaux de Lily et Lana Wachowski avaient été fermés suite à l'échec, aux échecs successifs de leur dernière production, donc Jupiter Ascending et Sense8, pour les toutes dernières. Je ne sais plus si Cloud Atlas avait été un succès d'estime, ça c'est sûr, un succès critique, c'est sûr, un succès commercial, je ne suis pas certain. Donc voilà, il y avait ça, il y avait le fait que ça a été échec sur échec, d'autant plus que encore Sense8 avait été très bien reçu par les critiques, ce n'avait pas du tout été le cas pour Jupiter Ascending, et Jupiter Ascending c'était leur dernier blockbuster cinéma, enfin dernier blockbuster en film, en tant que film à l'époque, avant Matrix 4. Qu'est-ce qui s'était passé d'autre? À l'inverse de la carrière des Wachowski qui était en train de plonger, la carrière du Keanu Reeves n'a jamais été aussi ascendante qu'aujourd'hui avec son rôle dans les John Wick. Je ne sais pas si vous le savez, Keanu Reeves c'est un acteur dont on aimait bien, il me semble, ce n'est pas mon cas, mais je parle en général, dont on aimait bien se moquer de son jeu. C'était un acteur qui était un peu mésestimé. Il avait été au cœur de la trilogie Matrix, qui avait été un grand succès. En tout cas, le premier épisode avait été apprécié par tout le monde, c'était moins le cas pour les épisodes 2 et 3. En plus, les scénarios de ces films-là faisaient que Keanu Reeves était un petit peu en sous-jeu dans Matrix. Et donc, voilà, passé Matrix, Keanu Reeves n'a jamais brillé pour le grand public. Et dans John Wick, ça a été la révélation, et depuis, il est considéré comme l'un des acteurs les plus appréciés de tout Hollywood. Et donc, Warner, qui est désespérément en quête de rivaliser avec Disney aujourd'hui, c'est sans doute dit, il faut qu'on produise un film d'une de nos licences fortes pour... gagner de l'argent, tout simplement. Ouais. En plus, vous savez que c'est la mode, comme on l'a dit encore un peu plus tôt avec Dexter, c'est la mode des revivals. Et la mode des années 80 commence à se transformer en mode des années 90. Donc c'était tout naturellement, finalement, qu'un Matrix 4 allait être mis en chantier. Et j'ai pensé que Lana Wachowski avait accepté de réaliser ce quatrième opus en se disant... De toute façon, ils vont produire une suite à Matrix. Je préfère que ce soit moi qui soit derrière plutôt que quelqu'un d'autre. Vu ce qui est dit dans le film, qui est assez méta, hein, Lana Wachowski, Tom Anderson, Neo, Keanu Reeves, semble être l'incarnation, l'avatar de Lana Wachowski pendant une bonne partie du film, et a l'air de confirmer effectivement que... elle n'avait pas du tout envie de faire ce film-là à la base. Néanmoins, le film reste intéressant. Elle a réussi à se l'approprier. Elle dédie son film à ses parents récemment défunts. Oui. Et ce qu'elle a voulu raconter avec ce film, c'était une histoire d'amour qui se concentre donc sur Neo et Trinity. Et je trouve que ce qu'elle a fait de ce projet, donc elle a vraiment fait contre mauvaise fortune bon cœur, je trouve que ce qu'elle a fait reste très intéressant. C'est pas parfait, loin de là. Mais je trouve qu'il y a quand même une sacrée profondeur dans ce film. Ouais. C'est ça qui est particulier, c'est que, à la fois, comme tu dis, il y a un discours explicite. Alors, il y a deux grandes scènes. La scène où, quand le patron de la boîte pour laquelle bosse Neo dit voilà, on va faire une suite à Matrix, et tu as ce brainstorming sur c'est quoi Matrix, qu'est-ce qu'on va faire. Et là déjà, il commence à distiller le fait que la suite c'est inévitable, on va essayer de comprendre les attentes du public pour en faire une suite correcte. Et après, tu as cette scène complètement lunaire d'apparition du Mérovingien qui balance insulte sur insulte et qui aussi dit cette vérité-là, alors qu'il y a une scène comique et qui va pas plus loin, et tu te dis, bon ok, alors est-ce que c'est ça le propos principal du film? Et à côté, elle essaye de lancer des choses intéressantes. Comme tu dis, il y a cet hommage à ses parents qui pourrait être, de la part de Lana, essayer de faire son deuil. Et là, en tout cas, ce qu'elle semblerait dire par rapport au film, c'est qu'elle serait encore dans une phase plus ou moins de déni, où elle souhaiterait que ses parents soient encore en vie, puisque là, dans le film, littéralement, elle est fait ressusciter. Et c'est vrai que si tu te dis le film ne raconte que ça, il est très touchant. Mais par contre, tu le comprends parce qu'il faut rester à la fin du générique perdu dans les noms qui sont cités, ouais. Elle marque, je dédie ce film à mes parents. C'est vrai que si t'as pas cette référence explicite, je pense que tu passes largement à côté de la référence personnelle. Ouais. Et donc voilà, c'est, tu sais pas trop. Enfin, pourquoi avoir mis autant d'efforts à développer autant l'univers, à lancer autant de pistes intéressantes. Là, donc, les premières que j'avais citées, c'était la nouvelle matrice, l'appel à l'émotion, tout ça. Le deuxième thème que je trouve super intéressant, c'est la porosité entre la réalité et le monde virtuel, qui vraiment s'effrite de plus en plus. C'était déjà le cas dans les anciens, notamment quand l'agent Smith contamine un humain dans la matrice et cet humain est débranché de la matrice et l'agent Smith arrive à être incarné dans la réalité à partir d'un être humain. Déjà ça, c'est assez vertigineux comme perspective quand Neo a aussi ses pouvoirs dans la réalité. Et là, ça s'incarne avec le nouveau Morpheus qui a une incarnation physique dans la réalité alors qu'en fait il n'est qu'un être virtuel. Et cette idée est vertigineuse et géniale. Et la deuxième, c'est quand ils sont dans la nouvelle cité humaine, je ne me rappelle plus le nom. IO. Voilà. Et on leur montre qu'à partir de la matrice, ils recréent des choses qui ont disparu. Donc ils recréent le monde à partir du virtuel. Et ce qui est génial dans cette scène-là, c'est que tu te dis, ça continue à filer l'allégorie, parce que le premier Matrix, c'est l'allégorie de la caverne de Platon. Et là, ça continue à le filer, parce que dans le premier Matrix, tu as un dialogue qui est très percutant, où c'est une scène de repas dans le vaisseau des résistants, et tu as un adolescent qui interpelle Neo en disant « Ouais, est-ce que tu as déjà mangé du blé ou du concentré de blé ?» Je ne sais plus le terme exact. Et Neo lui dit, je ne sais plus ce qu'il lui répond, je crois que oui. Mais il dit « Mais tu sais ce que c'est le vrai goût ?» Il dit, enfin, je l'ai mangé que dans la matrice. Il dit, ouais, moi, c'est pareil. Il fait ce qui fait que là, dans la réalité, il n'y en a plus. Donc, on n'a que le goût qui nous est donné par la matrice. Mais imagine si les machines s'étaient trompées sur ce que c'est que le goût du blé. En fait, on ne sait pas ce que c'est, le goût du blé. Et là, c'est pareil. Ils reconstruisent, par exemple, des fruits et des légumes. Mais si les machines se sont trompées sur ce que c'est, ils ne mangent pas vraiment une fraise. Donc, ce thème-là aussi, on commence à fusionner plus ou moins le virtuel, le réel, est très intéressant. C'est un discours intéressant d'ailleurs sur le virtuel, parce que assez rapidement, on a tendance à l'opposer, le virtuel à la réalité, voire même dire qu'il y a une barrière infranchissable. Et là, le film commence à aller de plus en plus là-dedans. Mais c'est frustrant parce que voilà, ça pourrait être encore beaucoup plus développé, comme thème. En fait, vous pensez que ce Matrix-là a été fait, alors elle pose beaucoup de bases, mais sans avoir l'envie, en fait, ne serait-ce même que de faire un Matrix 5. Elle savait, en fait, que... Enfin, elle s'est sabordée, je ne sais pas si c'est le... Oui, non, mais je dirais comme ça. En fait, ouais. Je pense que son amour pour la trilogie Matrix a fait qu'elle n'avait pas envie de faire un quatrième film qui soit fondamentalement nul. Mais elle s'est débrouillée pour faire en sorte qu'il soit décevant. C'est pour moi là où c'est le plus évident, c'est les scènes d'action. On a vu dans toute la carrière des Wachowski, dans toutes leurs œuvres, que les scènes d'action, elles géraient. Et même quand Lana Wachowski s'est retrouvée toute seule dans la saison 2 de Sense8, les scènes d'action étaient parfaites. Là, on peut pas passer d'un tel niveau de qualité dans les œuvres précédentes au résultat qu'il y a dans Matrix. Moi, je me suis dit, c'est intentionnellement fait pour que ce soit mauvais, parce que ce que les gens ont retenu des films précédents, d'ailleurs, c'est dit tout au long de ce film, hein, c'est les scènes d'action, c'est le bullet time. Et du coup, elle se débrouille pour rendre ces éléments-là indigestes dans Matrix 4, de sorte à ce que il y a seulement l'histoire qui soit intéressante et que du coup le film ne soit pas mauvais en soi, mais que le public ne l'apprécie pas et que du coup personne ne réclame, enfin la majorité des gens ne réclame pas un Matrix 5 qu'elle n'a pas envie de faire. Et d'ailleurs, un journaliste lui a demandé si il y aurait une suite à Matrix encore. Et ce qu'elle a répondu tout simplement, c'est « Voyez ça avec mes producteurs ». On peut pas faire plus cash comme réponse. Ça dépend pas de moi, allez les voir eux, m'emmerdez pas avec ça. Le film a coûté 200 millions de budget et en a rapporté actuellement 140 millions. Donc voilà, a priori, elle a réussi son coup. Il ne devrait pas y avoir des Matrix 5. Mais après, c'est un vieux pieux de vouloir condamner une éventuelle suite. En fait, elle ne fait que retarder l'échéance, puisque au bout d'un moment, Warner, s'ils veulent garder les droits à la licence, ils vont devoir l'exploiter. Alors, ils ont un long délai, hein, mais il est fort à parier que dans... Alors, je ne sais plus le délai, je crois que c'est une vingtaine d'années. Je dis peut-être des bêtises, hein. Ou une dizaine d'années, je ne sais plus, ressortira un nouveau projet sur Matrix. Et si ce n'est pas la Warner, ce sera d'autres qui achèteront les droits, parce que tu ne peux pas enlever à Matrix que c'est une œuvre qui a marqué son temps, qui a marqué la culture populaire, et c'est toujours susceptible de remarcher un jour ou l'autre. Mais ce qu'elle se dit, c'est qu'à ce moment-là, elle sera plus là pour voir ça, au moins. Oui, oui, mais peut-être ça, ouais. Mais bon, tu vois, c'est quand même dommage d'avoir mis autant d'efforts pour mettre de très bonnes idées. Elle aurait pu se contenter de faire un film sur. Voilà, un film très personnel sur son deuil. Et, après, peut-être que pour Lana Wachowski, c'est pas d'énormes efforts. Hein. Peut-être que ça, elle a sorti ça comme ça et elle, ça lui a pas coûté beaucoup d'efforts. Ouais, mais le problème, c'est à la fin du film. On spoil pas. Ouais, mais. Non, on spoil pas. Ça va être compliqué. Dans ce cas, on peut s'arrêter là et passer à la partie jeux vidéo. Tu as le thème de... elle lance une grande question qui est très importante. C'est la question de s'éveiller face à l'illusion du monde, face au contrôle, tout ça. Et pourquoi elle est allée jusqu'à là? Parce que dans la manière dont le film se conclut, ça appelle une suite. Parce que littéralement, cette fin... c'est le sens que j'ai mis au film, c'est que c'est un film qui m'a beaucoup fait penser au personnage de Cypher dans le 1, qui est le traître, et qui dit explicitement dans le 1 qu'il préfère l'illusion et le confort de la matrice à la réalité. Et ce qu'elle appelle en terminant le 4, c'est qu'elle décide de reposer cette question-là, vraiment, de dire voilà, je vais la poser et elle appelle à la traiter, et cette question est géniale. Mais peut-être que c'est au spectateur de la traiter aussi cette question, plus qu'au film lui-même. Et est-ce qu'on va pouvoir passer à la partie jeux vidéo, parce que ça fait un moment. Juste pour conclure sur cette idée-là, c'est peut-être moi qui surinterprète. Ça, je veux bien l'admettre, mais quand tu dis c'est peut-être au spectateur de se la poser, je pense que c'est voulu. Parce que ça, on le voit dans le trailer, il y a des extraits du premier Matrix qui sont diffusés. Et en fait, on t'explique que Neo a créé un jeu qui relate les trois premiers films. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on te montre des extraits de films. Et on ne te montre pas un jeu vidéo qui aurait été créé spécialement pour le film, qui remettra en scène les événements des trois premiers. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, bon, bah, c'est un mensonge de la matrice et ça te vend le poteau rose dès le début. Après, si tu as vu les anciens, tu te fais pas trop avoir, mais alors qu'ils auraient pu créer un faux jeu vidéo, non, on te montre les extraits pile du film. Par contre, ce qui est sorti en parallèle du film, c'est la démo Matrix Awakens, qui là, pour le coup, est un jeu vidéo qui remet en scène les événements de la trilogie. Pour aller dans ton sens, Florentin, l'interprétation que j'en ai, c'est que le film pourrait être pris comme étant la valeur de mesure de la réalité. Tu vois, c'est à partir du film où tu peux voir l'image globale et arriver à discerner l'illusion de la réalité. Et en fait, le jeu est là vraiment pour te poser la question à toi, en tant qu'être humain dans la réalité, de savoir si tu vis dans une matrice ou si tu vis dans la réalité. Tu vois, la démo s'appelle Awakens, on te refait jouer à Matrix. Et c'est censé te percuter comme ça, et après, tu pourrais utiliser le film pour vraiment te poser sérieusement cette question-là, et essayer de prendre du recul par rapport à ta vie de tous les jours, et notamment par rapport à ce que tu fais sur Internet, ce que tu fais sur les réseaux sociaux, quel impact ça a sur toi, quel impact ça a sur les autres. Mais à nouveau, tout ça, c'est très séduisant comme réflexion, mais si c'est pas exploité plus que ça, ça n'a pas de valeur. Eh bien, ça sera au spectateur de faire sa propre valeur sur cette réflexion. parce qu'on va pouvoir passer à la partie jeux vidéo. Parce que ça fait un moment qu'on est sur Matrix, et je pense que vous avez peut-être tous les deux... Bon, on a compris que ça t'emmerdait, hein. Vas-y, passe. Non, c'est pas ça, c'est que ça fait... Je pense que ça fait peut-être un petit moment, et on est sur Matrix. Est-ce que vous avez casé vos notes ? Vas-y. C'est bon ? Vas-y. Je vous rappelle que... Sauf si vous voulez faire le montage, hein, si vous voulez, on vous fait 4 heures sur Matrix. Hein, mais... Ah, ben en voilà une bonne idée. Ça peut être l'idée d'un prochain DLMAD, justement. Ah, Matrix. Okay. Mais là, l'heure tourne. Et on va pouvoir passer à la partie, donc, jeux vidéo. Et Vincent, apparemment, t'es très doué avec tes doigts. Oh. J'ai hésité à faire relever quand Florian a dit les mots pénétrer et introduire et je ne sais plus quoi tout à l'heure, mais tu vois, bon, je me suis dit non, c'est pas le niveau du podcast. Faut croire que si. Non, bon, mais ouais. Moi je n'avais pas de d'allusion derrière, mais en tout cas, tu es doué au moins avec un doigt. C'est marrant, je n'avais pas remarqué qu'il y avait des musiques comme ça dans le jeu. En tout cas, le thème est chouette. Hein. Mais oui, mais c'est pour ça que je suis d'autant plus surpris que de ne pas l'avoir remarqué. Il faudrait que je renseigne sur son intégration dans le jeu. Donc, je vais vous parler de One Finger Death Punch 2, qui est un petit jeu indépendant sorti sur Steam. Enfin, pas que sur Steam, hein, sur les consoles également, PS4, Xbox One. Enfin, je crois qu'il est sur Switch aussi, il est un peu partout. Donc, il est sorti en 2019, un jeu de Silver Dollar Games qui a également fait le premier One Finger Death Punch, et à part ça, je ne sais pas. C'est un two button games, c'est-à-dire qu'il se joue uniquement, enfin, il peut se jouer intégralement avec une seule main, soit avec la souris clic gauche et clic droit, soit avec les touches directionnelles gauche-droite, soit sur console, j'imagine appuyant sur deux boutons, je ne sais pas lesquels. Les gâchettes, peut-être. C'est pas bien compliqué, vous incarnez un stickman, un bonhomme bâton au centre de l'écran, c'est un genre 2D. Un bonhomme bâton au centre de l'écran, à gauche des ennemis arrivent vers vous, à droite des ennemis arrivent vers vous, et il faut, à la manière un petit peu d'un jeu de rythme, appuyer au bon moment soit à gauche soit à droite pour attaquer les ennemis avant qu'ils ne vous attaquent. Et c'est ça pendant 600 niveaux, plus de 600 niveaux, donc, y a pas d'évolution là-dessus. Par contre, là où réside le vrai plaisir de jeu, ce qui fait vraiment l'excellence de ce jeu-là d'ailleurs, c'est que du coup, visuellement, il ne paye pas de mine. Hein. Le gameplay est simplissime et pourtant, ça fonctionne du feu de Dieu. Pourquoi ça fonctionne ? Parce qu'en fait, le jeu vous plonge dans un flow perpétuel. C'est-à-dire que le jeu parvient à mettre le joueur dans un état de concentration qui lui donne le sentiment d'être extrêmement doué, d'être extrêmement doué à ce qu'il fait. Le flow, en fait, c'est le bon équilibre entre la courbe de l'ennui et la courbe de la difficulté. En fait, le jeu, il est assez simple. Alors, il y a des niveaux qui sont plus durs que d'autres, mais globalement, y a pas, sur 600 niveaux, il n'y a pas une montée en difficulté qui soit si notable que ça. Ça se fait vraiment très subtilement. Et en fait, bon, voilà, appuyer à gauche, appuyer à droite, c'est pas compliqué. Les ennemis, on a le temps de les voir venir. Pour vous dire, sur les quelques centaines de niveaux que j'ai fait, j'ai les 5 étoiles sur 5 quasiment à chaque fois. Pour avoir 5 étoiles, donc le meilleur score en fin de niveau, il faut ne pas s'être fait toucher plus de 5 fois au cours du même niveau. Et ça arrive vraiment très rarement. Donc c'est pas compliqué. En tout cas, c'est pas compliqué d'arriver au bout parce que vous pouvez terminer le niveau sans avoir les 5 étoiles, mais ça peut être considéré comme étant réussi malgré tout. Par contre, ce qui va demander un peu plus de challenge, c'est voilà, les défis que vous vous mettez à vous-même, si vous ne voulez toucher absolument aucune fois pendant le niveau, déjà, ça va être un challenge un peu plus corsé. Et donc, c'est ça qui fait qu'on a un bon équilibre entre difficulté et jeu de difficulté et d'ennui. C'est que finalement, le jeu en soi est simple à faire, mais c'est les challenges que le joueur se met à lui-même qui créent la difficulté du jeu. Pourquoi ça fonctionne ? Parce que les feedbacks dans ce jeu-là sont extrêmement réussis. Quand vous donnez un coup à un personnage, à un ennemi, c'est extrêmement classe. Le personnage que vous incarnez, vous appuyez juste sur flèche de gauche, flèche de droite, votre personnage il va faire du kung-fu. Donc c'est extrêmement satisfaisant. Vous entendez en plus les bruits des os qui se craquent, vous avez des visuels d'explosion, des gerbes de sang, etc. à chaque fois que vous frappez un ennemi. Donc ça rend la chose très, très plaisante. Et puis, c'est un jeu qui part un petit peu dans tous les sens. Vous avez, par exemple, vous pouvez ramasser des armes au sol. Alors, comment est-ce que vous ramassez des armes alors que vous êtes toujours au centre de l'écran ? En fait, quand vous attaquez un personnage qui est à droite, par exemple, la caméra va se déplacer en même temps que le personnage, ce qui fait que le personnage reste toujours au centre de l'écran, mais en réalité, vous avez avancé. Et donc, si vous trouvez une arme au sol, au passage, il la ramasse automatiquement. Et donc, voilà, vous pouvez embrocher vos ennemis, d'une part, soit à coups de poing, littéralement les transpercer avec vos poings, soit vous ramassez un sabre laser, vous ramassez un nunchaku, vous ramassez une tronçonneuse. Il y a énormément de façons, en fait, de mettre à mort vos ennemis. C'est assez délirant, en fait. Donc, voilà, je ne sais pas si c'est un jeu sur lequel je vais avoir des millions de choses à dire, moi, c'est ce que ça fait partie de ces jeux pour lesquels j'ai une certaine admiration. Hein. C'est des jeux qui vraiment ne payent pas de mine, qui n'ont pas dû être très longs à développer. Bien sûr, un jeu vidéo, ça reste quand même généralement assez long à développer, mais je veux dire, on est sur un scope vraiment, vraiment pas très grand, quoi. C'est un jeu qui n'a pas dû coûter très cher, qui n'a pas dû être très long à développer, et c'est un jeu qui, dès la première partie, ça fonctionne, et vous ne comptez pas vos heures dessus. Vous voyez, le principe est simple, et j'y ai passé environ 15 heures. Je ne les ai pas faites d'affilée, hein, mais vraiment, c'est un jeu auquel on prend plaisir de faire une, deux, trois parties de temps en temps, et ça fonctionne toujours aussi bien. Je suis en train de voir pour la direction artistique. Je me suis mis les bandes annonces là. Ça me fait penser à une discussion que j'avais eue avec un ami. C'était, on disait en fait que la direction artistique devait être raccord aussi avec le gameplay, avec la jouabilité. J'ai l'impression que c'est totalement le cas pour ce jeu-là. C'est-à-dire, il se concentre en fait sur l'efficace, sur l'essentiel. C'est-à-dire, dis-moi si je me trompe, hein, mais sur la rapidité de la prise en main. Mm-hmm. Et par exemple, si on avait cherché à avoir des graphismes photoréalistes, etc., ça n'aurait pas servi à grand-chose, finalement. Mm-hmm. Et en prenant juste cette silhouette-là, ce stickman, ce bonhomme en bâton, peut-être ont-ils pu déjà beaucoup plus développer et s'attarder sur les animations, sur le cœur du jeu, plutôt que d'avoir développé une autre direction artistique qui aurait sûrement pris plus de temps et qui aurait sûrement... ralentit en fait le jeu et fait en sorte que les développeurs se concentrent au moins sur ce cœur de jeu. C'est ça, c'est une production qui est intelligente parce qu'en fait le jeu fonctionne sans qu'il y ait des graphismes fabuleux. Même peut-être, comme tu le dis, que le fait que les graphismes soient simples facilite la lecture de l'écran. D'ailleurs, finalement, ça aurait presque pas été d'un si grand intérêt que ça d'avoir des super beaux graphismes parce que on passe assez peu de temps. Enfin, moi, j'ai remarqué que les niveaux dans lesquels je suis le plus performant, c'est ceux où, au lieu de me concentrer sur les personnages qui arrivent à gauche, à ma droite et le mien, je me contente de regarder les jauges qui sont sous les pieds de nos personnages qui indiquent en fait les moments sur lesquels frapper. Quand on regarde ça, finalement, les graphismes qui sont autour importent relativement peu. C'est plus, du coup, un plaisir pour la personne qui vous regarde en train de jouer, à la limite, dans ce cas-là. Mais donc, ouais, C'est un jeu qui aurait peut-être été meilleur avec des graphismes photoréalistes ou enfin, plus développés, mais il n'aurait pas été significativement meilleur. C'est-à-dire que ça aurait été beaucoup de travail pour une amélioration pas essentielle. Et donc voilà, c'est vraiment un jeu voilà, très malin, très, très intelligemment produit, et ça me fait d'autant plus... comment dire, ça me crée d'autant plus de... pas de regret, mais voilà, je suis en formation de jeux vidéo et on a un projet de fin d'études à réaliser, du coup, donc un jeu qu'on va faire en quelques mois. J'aurais aimé qu'on puisse partir sur un concept de jeu similaire, enfin similaire en termes de scope, vraiment quelque chose de très simple, quelques contrôles, un plaisir de jeu immédiat. Bon, malheureusement, je ne vais pas entrer dans les détails des formations de jeux vidéo aujourd'hui, mais par exemple, nous, on a eu un thème imposé qui était un thème à propos de la narration du jeu. One Finger Death Punch 2, c'est pas un jeu qui repose du tout sur la narration, c'est gameplay first. Voilà, quand dans une formation en jeux vidéo, on vous impose des thèmes qui nécessitent d'avoir un scénario travaillé, ça empêche parfois de se concentrer, de produire des jeux comme ceci. Et c'est dommage parce que finalement, le projet de fin d'études que l'on va réaliser, il aura certainement moins de panache et moins de panache et il sera moins plaisant en termes de gameplay. Il sera même visuellement, ouais, pourtant c'est pas grand chose ce jeu-là. Bon, ça a quand même été des mois, si ce n'est des années de travail pour les développeurs derrière. Mais voilà. C'est le genre de projet vers lequel les étudiants en jeu, les formations en jeu devraient tendre. Bon, c'est tout. Je vais conclure là-dessus. Et ça me fait penser en fait à une conversation, me semble-t-il qu'on l'a déjà eue dans les DLMAD, sur le fait de penser la jouabilité avant et ensuite de penser le scénario dans le cadre d'un jeu. Et qui souvent d'ailleurs... Alors Flo, il me semble que c'est toi qui m'avais dit que Nier Automata avait été pensé comme ça. On a pensé le jeu avant le scénario, ou alors c'est la méthode japonaise en général qui est pensée comme ça. Je sais pas, j'ai pas souvenir que Yuko Taro se soit exprimé sur ça. Par contre, ce qui est clair, c'est que Shigeru Miyamoto, quand il a créé les Mario, lui pensait d'abord au gameplay, à la jouabilité, tout ça, et ensuite il créait l'univers et la narration pour soutenir. La jouabilité, lui, c'était vraiment sa méthode à lui. C'est la méthode de Nintendo en général, ça s'appelle une conception bottom-up, c'est-à-dire qu'on part des mécaniques de gameplay pour arriver ensuite à un scénario, l'inverse de la conception top-down. Et chez Nintendo, voilà, ils ont une sorte de labo de game design dans laquelle ils créent des fonctionnalités, etc. Et quand ils tiennent un truc qui fonctionne, ils réfléchissent à la licence qui leur appartient, dans laquelle cette fonctionnalité pourrait le mieux s'intégrer. Après, de toute façon, Yoko Taro, il est habité par des expériences de jeux vidéo qui l'ont marqué, que ce soit des choses qu'il a vécues dans les Dragon Quest ou les shoot 'em up, et il a envie d'en faire. Et souvent, bah, il s'est tourné vers Square Enix. Et, parce qu'au départ, Nier, il voulait faire un shoot 'em up. Et Square Enix a dit non, mais en fait, on ne sait pas faire. Donc, nous, on sait faire des jeux de rôle. Tu vas faire un jeu de rôle. Et il a trouvé un subterfuge pour faire un jeu de rôle d'action et mettre des phases qui rappellent les shoot 'em up. Donc, je pense que lui aussi, part d'idées comme ça. Quand il demande de supprimer la sauvegarde, alors je ne sais plus dans quel Dragon Quest, mais je sais qu'il a vécu ça dans un Dragon Quest. Ça l'a marqué. Ça l'a fait réfléchir et il a voulu rebâtir quelque chose à partir de cette idée-là. Et d'ailleurs, ça marche plutôt bien parce que Nier Automata, on a ce côté shoot them up. Enfin, la caméra passe du dessus et ensuite, on voit toutes les boules qui arrivent vers nous, qu'on doit esquiver et ensuite tirer sur l'adversaire. Puis ensuite, la vue sur le côté, etc. etc. Enfin, on passe par plein de phases de jeu qui font penser que le développeur a quand même... Alors peut-être avait-il un nuage de son histoire, mais en tout cas, on voit que le jeu en lui-même, le côté manipulation, jouabilité, a eu une part, si ce n'est plus importante que le scénario. Et en tout cas, Nier est un bon exemple de scénario et de jeu qui se complètent, où en plus, au niveau du jeu, on ne se limite pas à la première idée. C'est bon pour toi, Vincent ? Oui. Flo ? Passons au club littérature. Oui. c'est tout mignon. Allez, Doki Doki Literature Club. Alors, en toute franchise, je vais être assez succinct pour parler de ce jeu. Que c'est un jeu qui, pour être apprécié, mérite qu'on s'y lance sans trop en savoir. Il faut que la surprise marche. Doki Doki Literature Club est un jeu... alors, ça a l'apparence d'un jeu japonais. Ça reprend les codes du visual novel, qui est un genre assez présent au Japon. Mais c'est un jeu américain. Initialement, c'était un jeu gratuit, il me semble, sur PC. Et là, il y a quelques temps, ils ont sorti l'édition Plus, qui est sortie sur toutes les consoles. Moi, je l'ai acheté en boîte sur Switch. Alors, il me semble que cette version Plus apporte des traductions. Et il y a aussi tout un contenu annexe que je n'ai pas encore fait. Je vous avoue, déjà, se prendre l'expérience Doki Doki, c'est quelque chose. J'ai laissé reposer le jeu, j'y retournerai un petit peu plus tard. Le contexte du jeu, on incarne un lycéen qui va rejoindre le club de littérature de son lycée, comme il est de coutume au Japon. Ça va être l'occasion de rencontrer quelques jeunes femmes et de nouer des relations. Et après, il va se passer des choses. Je n'en dis pas plus que ça. Je ne vais pas vous dire quel type d'émotion ça vient évoquer parce que ce serait déjà commencer à en dire trop. Je vais me contenter de dire que ce jeu parle donc. Le club de littérature va parler de l'art littéraire et du rapport à l'art littéraire quand on essaye d'en créer, qui est très sensible. C'est un jeu qui va parler d'une partie de la psychologie humaine, qui va parler d'une partie des relations sociales et qui, quand il aborde, est très très juste. Il y a un moment donné, il y a eu ce fait sur les personnes introverties, et voilà, c'est assez bien documenté de ce côté-là. C'est pour ça qu'il marche, ce jeu. C'est parce que dans ce qu'il dit, il est pertinent. Et si en plus les thèmes qu'il aborde résonnent en vous, ça décuple tout ça. Et c'est un jeu qui, un peu comme le tien, hein, Vincent, paye pas de mine. Les visual novels, c'est essentiellement des écrans fixes. Après, on a des avatars de personnages qui sont dessinés en 3D. Il y a plusieurs modèles pour les différentes émotions. L'interaction en passe énormément par le texte. On a des choix à faire. Et malgré ça, il y a une belle audace dans le jeu. Et c'est ce qui m'a convaincu. C'est vraiment cette audace qui arrive à la fin. Franchement, je range Doki Doki par rapport à mon expérience de joueur. Je range Doki Doki dans les grands jeux. Et je pèse mes mots. Hein, on est, pour ceux qui ont déjà écouté des LMAD, vous êtes rendu compte qu'on n'a pas le superlatif facile. Et c'est un jeu qui mérite d'être fait. Et j'espère qu'on s'en souviendra dans quelques années. Je le trouve assez important. Voilà, je vais essayer de ne pas en dire plus que ça. Il faut accepter d'y aller un peu à l'aveugle. Et ne vous arrêtez pas au côté jeu de drague, très naïf, très harem, comme on dit souvent. Il y a les harem manga où il y a un héros avec plusieurs filles qui veulent avoir une relation avec le héros. Ça ne s'arrête pas à ça. Doki Doki. Parce que ouais, c'est vrai que le visuel, ça donne un peu jeu de drague mais à la japonaise. Mais pourtant, dans les tags, il me semble avoir vu, quand je l'ai vu passer, quand il jouait là sur le truc Switch, psychologie, horreur. Tout est parfait. Vraiment, l'emballage, les musiques qui sont d'une naïveté et fonctionnent à merveille. Et d'ailleurs, en termes de musique, elles sont vachement bien composées. Hein. Les mélodies tapent juste... Il y a autre chose derrière. Voilà, j'en dis pas plus. Difficile de te questionner sur le jeu, mais en tout cas, tu titilles ma curiosité avec ce Doki Doki qui a l'air tout mignon et qui, j'en suis sûr, cache des choses et en plus, un peu plus sombres. Et en plus, c'est un jeu qui est assez court, en tout cas, pour le terminer une première fois. Après, vous pouvez le recommencer pour aller vivre les embranchements que vous n'avez pas vécu. Mais c'est une poignée d'heures, hein. C'est pas non plus très très long. L'édition Plus, je l'ai acheté, je sais plus, je crois 40€ en boîte, en neuf. Donc voilà, il y a moyen de le trouver à pas trop cher. Et sinon, il y a la version gratuite, mais je garantis pas que pour la version gratuite, il y ait une traduction française, il faudrait vérifier ça. Et pour rappel, c'est un visual novel, donc ouais. Y a, le jeu vidéo se lit beaucoup. Beaucoup c'est voilà. Ça rappelle pas mal les premiers jeux d'aventure textuelle qu'il y avait eu en Occident sur PC. Enfin, j'ai l'impression que les Japonais se sont pas mal inspirés de ces jeux-là pour après développer, eux, leur visual novel. Bon, après, ça permettrait sûrement de développer tout d'énormes pans d'histoire et d'énormes embranchements. Est-ce que c'est bon pour toi ? Oui, je me contente de ça. Alors, pour ce dernier jeu, on va parler de quelque chose d'une œuvre totalement inconnue du grand public. À chaque fois que je vais sur l'écran titre, je me sens bien. Je me sens parfaitement détendu. Et oui, certains ont pu reconnaître Animal Crossing, totalement inconnu. Hein. Comme je disais, c'est une licence qui débute à peine dans le jeu vidéo, qui n'a pas beaucoup de succès. Blague à part, Animal Crossing, c'est évidemment un succès phénoménal, surtout qu'il est sorti au moment du confinement, du premier confinement. Et ça a été l'évasion pour beaucoup de personnes. Ça a été le repos aussi pour beaucoup de personnes. Un jeu sur Switch et que je dirais, moi, de parfait. En fait, je ne vois même pas ce qu'on pourrait rajouter à Animal Crossing ni ce que l'on pourrait enlever pour le moment. On cherche, en fait, dans Animal Crossing, il n'y a pas réellement d'histoire. On arrive sur une petite île et on doit l'aménager, on doit faire sa vie. On doit rembourser un crédit hein, qu'on contracte sans le vouloir dès le début du jeu. Mais bon, il nous entourloupe un peu Tom Nook. Hein. Je crois que quand je discute avec des enfants qui jouent à Animal Crossing, il n'y en a pas beaucoup qui aiment Tom Nook, qui disent « Ouais, il m'a fait faire un crédit, lui. Bon. » Ils disent « Ouais, il est chiant. » Mais bon, ça fait un peu office d'objectif du jeu, rembourser son crédit, en contracter un autre si on veut agrandir sa maison, la personnaliser de manière plus profonde, bon, soit. C'est le but du jeu, mais au moins, on ne presse pas le joueur et il n'y a pas genre de taux d'intérêt, etc. On te dit, voilà, tu dois rembourser ton crédit de, je ne me rappelle plus de combien il est le premier crédit, je vais dire un chiffre au pif, 90 000 clochettes. Bon, qui est l'argent du jeu. Et ensuite, on te dit, prends ton temps. C'est pas grave si tu le rembourses dans 6 mois, etc. Tu fais le jeu à ton rythme, tu aménages ton île, tu récupères des plans pour construire certaines choses, etc., etc. C'est vraiment un jeu qui ne cherche pas du tout à presser le joueur. On est vraiment à l'opposé de One Finger Death Punch, là sur le coup. En fait, pour moi, le but d'Animal Crossing, c'est vraiment d'inscrire le joueur dans un quotidien tout gentil où tout le monde est content, tout le monde sourit. Les couleurs sont chatoyantes. J'en ai pas parlé tout à l'heure quand je parlais de séries, mais vite fait, en parenthèse, les séries coréennes, par exemple, sont colorées, même si elles sont dramatiques, là où les séries occidentales vont être plutôt désaturées pour jouer sur un côté plus triste et plus sombre. Et pour revenir sur Animal Crossing, c'est la même chose. C'est coloré. On cherche à dénoter avec la tristitude ambiante, les nouvelles nationales ou internationales qui sont toujours pessimistes sur le monde, ou si c'est une nouvelle joyeuse, on va y passer 10 secondes et ensuite on va nous redire c'est la fin, on va tous mourir. Du coup, Animal Crossing New Horizons, je précise, le dernier, fait vraiment du bien. Il dénote aussi dans son paysage vidéoludique, il montre en fait qu'il n'y a pas forcément besoin d'action pour qu'un jeu fonctionne, ni réellement de narration à proprement parler. Hein. Il n'y a pas besoin de tout ça, il y a juste besoin que ton jeu fonctionne. Et vraiment, Animal Crossing, oh, on nous dit « Ah, il faudrait que tu fasses ci, il faudrait que tu fasses ça. » Tu le fais avec le temps qu'il faut. Il n'y a pas d'enjeu de fin du monde, d'extraterrestres qui arrivent, de zombies, d'enquêtes policières ou de... Non, c'est feel good. Voilà, on se détend tranquillement, on fait sa petite vie. Jouer à Animal Crossing aussi, ce qui fonctionne avec le côté feel good, bienveillance, etc. On va dire ça, même si le mot, enfin bref. C'est que Animal Crossing, jouer Animal Crossing, c'est aussi accepter le temps long. C'est aussi pour ça qu'il dénote. C'est-à-dire que non seulement on doit développer son île et sa maison, ça demande du temps à faire. Recevoir un jeu ou construire une demeure. Ok, d'accord, je me suis gouré dans mes notes, c'est absolument pas ce que je voulais marquer. Bref, recevoir une commande, voilà, recevoir un objet ou construire une maison, ou construire par exemple le musée, ça demande un jour ou deux, selon ce qu'on construit, mais un jour ou deux de véritables jours. Et c'est ça, moi, que je trouve intéressant, parce que c'est quelque chose qui est à accepter et qui fait partie du charme du jeu, parce que le but n'est pas le farm, c'est-à-dire rassembler le plus de clochettes possible, etc., etc., vitesse-lumière, mais c'est d'apprécier les moments du quotidien. Alors certes, on en a qui trichent, avec l'horloge du jeu, on peut faire croire au jeu que ça fait deux jours ou un jour et la maison se construit plus rapidement. On peut farmer des clochettes de manière agressive avec le cours du navet, etc., parce que on a un petit côté trading dedans, en fait, on vend des navets, et selon le cours du navet, eh bien, ça vaut plus cher ou ça vaut moins cher. Moi, je ne l'ai pas fait encore, j'en ai pas envie, en fait. Donc, je vends juste mes petits objets, je vais faire mon potager, je vais planter des cannes à sucre. Voilà, je pense que ceux qui trouvent des astuces comme ça pour aller plus vite, à mon avis, on ne profite pas du jeu, de l'intention du jeu. Si le jeu nous propose, nous dit, bah voilà, tu vas devoir attendre un jour ou deux, c'est qu'il y a une raison derrière. Et cette raison, c'est de profiter, en prenant son temps, sans être pressé par quoi que ce soit. Du coup, ce temps long, et c'est ce qui fait qu'Animal Crossing, oui, je l'ai dit, va à contre-temps de beaucoup de jeux, où on demande du fun là, maintenant, tout de suite, et où aussi on demande à passer nécessairement un message. Parfois, on le dit souvent dans DLMAD, c'est bien qu'une œuvre passe un message, etc. Mais des fois, c'est aussi bien, surtout quand c'est fait avec talent, qu'une œuvre raconte juste un quotidien. Alors certes, c'est un message, c'est pas un message forcément, comme on l'entend, hyper philosophique ou critique de la société, mais c'est un message qui fonctionne. Il n'y a pas de stimulation rapide du joueur, de réactivité, on est dans l'inverse, et je pense qu'on peut y gagner à développer ce genre de jeu. Je pense qu'en fait, c'est un genre de jeu, dites-moi si je dis une grosse connerie, hein, mais que c'est un genre de jeu qui demande par contre, pour que ça fonctionne, je l'ai dit tout à l'heure, un vrai talent par rapport à un jeu où on va demander de l'action, des flingues, etc. Ça va fonctionner plus facilement. Ou alors c'est juste une impression, dites-moi encore si je me trompe vraiment, que ce genre de jeu-là. Je sais pas, messieurs. C'est sûr qu'avec du talent, tout fonctionne beaucoup mieux. Non, mais oui, je vois ce que tu veux dire. C'est sûr que, tu vois, par exemple, mettre un grappin dans un jeu, ça fonctionne toujours. Parfois même, c'est ce qui sauve le jeu. Alors que, ouais, non, c'est sûr que c'est plus ambitieux de faire un jeu qui impose aux joueurs d'attendre, puisque le jeu vidéo a rarement été connu pour être un média passif. Donc ouais, effectivement, c'est déroutant, en tout cas. Ça change les habitudes du joueur. Mais ouais, mais je comprends pourquoi Animal Crossing a autant bien fonctionné pendant le confinement. Vraiment, c'est... Je pense que ça fait vraiment du bien à plein de gens, si on a eu si on a mal vécu le confinement ou mal vécu quelque chose, d'avoir ce genre de jeu où on te fait « Hey, coucou, bienvenue sur l'île, voici ta tente, tu peux en faire une maison, tu peux faire ton jardin, planter tes cerisiers, tes orangers, tes poiriers, tes noix de coco, ce que tu veux. » Et tranquille. Et ça fonctionne parce qu'en plus, dans l'inscription au quotidien, c'est que chaque jour, on a un vendeur particulier qui peut arriver sur l'île. On peut avoir un événement différent. Mais si on le rate, c'est pas grave. Là où j'ai l'impression, dans un jeu service, on essaye de manière plus agressive de faire venir le joueur et surtout à ce qu'il dépense dans des microtransactions, qui est l'un des principes des jeux services. Il faut que le joueur dépense des sous quand même dedans. Eh bien, pas Animal Crossing. Alors, on peut jouer, ne pas jouer pendant une semaine, c'est pas grave. On n'a pas loupé grand-chose en soi. On a peut-être loupé que la vendeuse de vêtements. Oh, c'est pas grave, elle reviendra la semaine suivante ou alors à un moment. Même, elle va peut-être s'implanter plus durablement sur l'île. Voilà. On est tranquille, on nous demande de dépenser juste des clochettes si on veut développer l'île. En barre. Donc voilà, je pense que c'est un très bon jeu. En plus, bon, forcément, Nintendo l'a prévu pour, mais la Switch est parfaite pour le jeu. On le trimballe partout, on peut l'allumer pour 5 minutes, pour 10 minutes, pour 1 heure, 3 heures, peu importe. Il est nickel. Enfin, je ne trouve rien à redire, moi, sur Animal Crossing. Je n'ai pas grand chose à dire non plus, mais effectivement, c'est un jeu qui me semble, le succès du jeu l'a démontré de toute façon, c'est un jeu qui était vraiment fait pour sortir pendant le confinement. Et moi, maintenant j'ai une Switch, mais à l'époque je ne l'avais pas. Aujourd'hui, je n'ai pas spécialement envie de jouer à Animal Crossing. En tout cas, si j'avais une Switch pendant le confinement, ça aurait été certainement le meilleur moment pour moi pour le faire. Mais ouais, en tout cas, Animal Crossing, j'ai joué à aucun jeu de la licence. Ça m'intrigue. Tôt ou tard, je le ferai. Mais du coup, en tout cas, ce que tu dis, ça donne envie. Voilà, si tu veux passer vraiment un petit moment, posé, tranquillement, hop hop hop, avec un petit thé, à côté du chauffage, comme il fait froid, c'est le jeu est nickel. Très bien pensé, et ça démontre encore tout le talent de Nintendo pour ses jeux. Je crois que nous avons terminé. Moi, je n'ai plus rien à ajouter sur Animal Crossing. On peut repartir sur Matrix, alors. Non. Bon, bah très bien, je vais continuer de parler d'Animal Crossing. Allez, bon, bah, ce DLMA des détentes est désormais terminé. Et merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Vous pouvez suivre Causons Pixel, donc aussi de la manette au débat, sur Twitter, Instagram et Facebook. Le podcast est disponible sur PodCloud, Podcast Addict, Google Podcast et voilà, et d'autres applications de podcast. Sur ce, encore une fois, merci à vous. Prenez soin de vous et surtout, surtout, restez critique envers le pixel. Ciao. Ciao. J'avais une autre phrase d'accroche et en fait, je me rends compte que je l'ai pensée quelques jours auparavant et je l'ai oubliée. Ah, c'était quoi? Bah, j'en sais rien, je l'ai oublié. Ah, d'accord. Ah non, attendez, on ne quitte pas tout de suite. Tiffen n'est peut-être pas là, elle devait parler de All of Us Are Dead, mais elle a cherché en fait à faire deviner aux auditeurs et à nos chroniqueurs le livre dont elle va parler pour le prochain DLMA des détents. Et donc elle m'a fait parvenir une citation de ce livre-là, que voici. Freud était un bien grand homme, mais je n'arrive pas à me faire à l'idée que quelqu'un lui ait jamais efficacement flatté le pénis. C'est génial. Je sais pas d'où ça vient, mais il me tarde de le découvrir. Voilà, elle m'a demandé de vous lire ça à la fin de l'émission. sur ce, de manière définitive, prenez soin de vous et surtout, restez critique envers le pixel. Ciao. C'est tellement le meilleur teasing.